Mickaël, à la radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On est parti, ça y est, hein, jusqu'à 9h30. Là, maintenant, le warm-up est terminé. Retour de l'émission live and direct, bien évidemment. Avec vous, évidemment, qui êtes déjà debout. D'ailleurs, bon courage si jamais vous vous levez. Il y a Julie qui est en pleine forme. Je suis en méga forme et j'aime voir ce monde autour de la table. T'as vu un petit peu, l'équipe est au complet. Tous ces gens, on est tout deux. Le monde est à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a même fait un effort aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, même Lob est à l'heure. Toi, t'as déjà mis tous les sons dans la machine. Non, là, franchement, j'ai cartonné. Ah, on va limite s'emmerder hein, quand même aujourd'hui. Tu sais, il y aura pas de stress et tout. Enfin, normalement, je m'emballe peut-être un petit peu. Ça, hein. T'emballe pas parce que généralement, quand tout est prêt, c'est là que la machine marche pas. Donc oui, c'est possible que la machine ne fonctionne pas, effectivement. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc, on est ensemble jusqu'à 9h30 ce matin avec pas mal de choses, évidemment. La ligne anti-relou, bien entendu, au 0473 86 0013. On aura l'occasion de diffuser ça tout à l'heure, bien évidemment. Nous aurons aussi quelques appels avec Toff qui a fait chier le monde. À base de quoi ce matin? À base d'Aïd. Ah, bah oui, forcément, oui. Bah oui, oui, effectivement. J'ai pas bien compris, donc si vous êtes musulman, vous m'expliquez, parce que alors donc j'ai fait des recherches, je suis un petit peu quelqu'un de cultivé. Bah oui, mais si tu mettais ton casque, tu serais encore plus cultivé, parce qu'au moins tu entendrais qu'on ne t'entend pas. Pourquoi on ne m'entend pas? Bah parce que tu parles à 15 km du micro. Non, parce que tu ne m'as pas ouvert mon micro, c'est plus bah ça. Bah non, le micro, tu vois bien que la lumière est allumée. Alors je comprends pas. Ah bah oui, mais moi je t'explique. Vas-y, continue donc. Tu disais. Donc je disais donc oui, que j'ai pas compris quel jour c'était. Ah d'accord, bah voilà. J'ai pas compris si c'était hier soir, ce aujourd'hui soir, ou demain soir. D'accord, ok. Parce qu'en fait j'ai vu plein de dates sur internet, donc voilà, si vous, vous voilà. Mais par contre ce que j'ai bien compris c'est qu'il n'y a pas assez de moutons. Bon, oui, ça on a bien compris et aussi. C'est tout l'objet de l'appel. Bon ben on fera ça tout à l'heure, donc restez bien avec nous. On aura aussi évidemment les factures qu'on va vous rembourser au 6322. Vous débutez le message par facture tout simplement avec le montant et l'objet de la facture. Dès maintenant, vous pouvez le faire. On vous appellera d'ici 35-40 minutes, donc vous avez encore un peu de temps. Hein. 6322 par SMS, débutez par facture. Le message avec le montant et l'objet de la facture. Nous aurons aussi un petit Mickaël réveille la Belgique, ça ce sera tout à l'heure bien sûr. Et puis bien sûr, les écrans plats à vous filer comme tous les jours, plusieurs fois par jour d'ailleurs. Écran plat ou pack Nintendo Wii, si vous voulez gagner ça, eh bien c'est facile. Petite devinette qui colle, écoutez bien la petite devinette qui colle, là ce matin, minuscule et léger, il est de toutes les fêtes. Et si pour rire, on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Qui est-il? Oui, c'est ce qui est le côté un peu Blair quand c'est le nouvel an, comme ça on en jette. Ah, c'est génial. Bon voilà, on en jette en général. Et pour ceux qui ont un peu de culture musicale, il y a un groupe qui s'appelait comme ça dans les années 80, 89 je crois si mes souvenirs sont bons, et le titre c'était The Sound of Sea. Voilà, donc comme ça, c'est pour ceux qui ont un peu de culture, je vous ai quasiment donné la réponse. Donc qui est-il? Je répète, minuscule et léger, il est de toutes les fêtes, et de toutes les couleurs aussi. Et si pour rire on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Voilà, en général pour une fête on en jette, et puis après il y en a plein partout, c'est une galère, il faut tout aspirer, c'est horrible. Donc si vous avez la bonne réponse, 6322. C'est un euro le message, il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo Wii, bonne chance. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir de la voix jusqu'à la fin de l'émission, mais on mais va essayer. Ouais, mais ça fait bien. Oh non, mais ça me fait plaisir pour une fois que ce n'est pas ma voix qui part en gagnant. Ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. La voix, la voix ça va, c'est juste qu'elle vient de loin là. Hein, c'est... La voix ça va, mais la tête, oh là ta tête. Ah ouais, la tête, ouais, c'est très dur ce matin. Oh c'est très très dur. Même moi je me suis fait peur dans le miroir, c'est pour vous dire. Sexy and I know it. Dans un instant sur Fun Radio LMFAO avec Sexy and I Know It. Proposer un graffiti pour la réponse. Ah non, t'es pas loin. Hein. C'est juste que t'as confondu dans le nom, mais t'es pas trop loin, on va dire. Bon, il est 6h29 sur Fun Radio, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Coupable, le docteur Conrad Murray a été condamné pour homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Lors de la lecture du verdict, l'homme est resté impassible. Le juge a ordonné son placement en détention immédiate. Il a tout de suite été donc menotté par les policiers présents dans la salle avant d'être évacué. Il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Et puis la nuit dernière, le champion de boxe Joe Frazier est décédé des suites d'un cancer du foie à 67 ans. Il avait été le premier homme à vaincre le légendaire Mohamed Ali, s'emparant du titre des poids lourds en 1971. Ce matin, arrêt de travail à la station. station de métro Ribeaucourt à Molenbeek, les agents protestent. Dimanche soir, deux agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station de métro. Les agents avaient été appelés pour secourir un homme pris d'un malaise. Lors de l'intervention, des jeunes les ont bousculés avant d'appeler des amis en renfort. Les membres du personnel de la STIB souhaitent utiliser des sprays anti-agression lors de leurs interventions, ce que la direction refuse. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois si la direction ne dégageait pas des moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. À Gand, un homme est recherché pour une dizaine d'attentats à la pudeur. Les faits se sont produits entre mars et octobre 2011. 10 victimes, toutes des jeunes filles âgées d'environ 20 ans, ont déjà déposé plainte auprès des services de police. L'auteur, qui opère la nuit entre minuit et 7h du matin, attrape ses victimes par l'arrière avant de les maîtriser et de les empoigner à l'entrejambe. L'individu menace parfois ses victimes à l'aide d'un couteau. L'espoir s'amenuit pour les deux alpinistes bloqués depuis plus de 5 jours dans le massif du Mont Blanc. Le brouillard persistant complique le travail des sauveteurs. Le guide du haute montagne et sa cliente alpiniste parisienne expérimentée sont bloqués depuis mercredi soir. Les contacts téléphoniques avec eux se sont interrompus vendredi après-midi, faute de batterie. Et puis enfin, l'Iran aurait franchi une étape essentielle vers la bombe, selon le Washington Post. Selon les sources citées par le quotidien américain, un ex-expert soviétique a appris aux Iraniens à construire des détonateurs de haute précision, du type de ceux utilisés pour déclencher une réaction nucléaire. L'Iran a rejeté d'avance les nouvelles accusations et a menacé Israéliens et Américains de représailles en cas d'attaque. Il est 6h32 sur Fun Radio. Bienvenue si vous débarquez. Il y a LMFAO dans un instant. Sexy and I know it. Et avant ça, on va passer à la météo. Bah, c'est pas terrible. Hein. Le temps sera morose. La nébulosité sera... Bon, écoute, en d'autres mots, il y aura beaucoup de nuages. Voilà, hein. C'est ça, en gros. Hein. Tout au long de la journée, normalement, le parapluie n'est pas à prévoir. C'est quand même la bonne nouvelle. C'est de déjà 11 à 14 degrés. Demain, le soleil revient par l'ouest. Ah, ben voilà la bonne nouvelle. Tu vois, t'aurais dû commencer par là directement. Ah oui, excuse-moi. Ça aurait été une bonne nouvelle. J'ai oublié. Mais il n'y a pas de problème. 6h32 sur Fun Radio. Nous allons maintenant passer à l'info en plus. Quelle est l'info en plus? Alors, l'info en plus est un petit peu glauque, je vous préviens tout de suite. C'est l'histoire d'un Russe qui volait des cadavres dans les cimetières pour en faire des poupées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça se passe à Nijni Novgorod. Enfin bon, ça se passe là-bas, quoi. Donc, ouais, quelque part là-bas. En Russie. Ouais. Oui, en Russie, ouais. Ah, je pensais que c'était plutôt un pays pas loin d'ici. Ah non, pas trop. Eh bien, il a été arrêté la semaine dernière. Il a fabriqué des poupées avec 29 cadavres momifiés qu'il stockait chez lui. Donc en fait, il allait voler les cadavres dans les cimetières et puis il en fabriquait des poupées, c'est-à-dire qu'il prenait des morceaux de cadavres. Et par exemple, pour faire les mains de la poupée et pour faire les pieds, ce genre de choses. Donc on a retrouvé des poupées chez lui, avec les corps sont habillés, les visages sont recouverts de têtes de poupées ou de peluches, mais les mains et les jambes, ce sont des restes humains en fait. Ah ouais. Momifiés parce que c'est des vieux restes humains. Donc, c'est sympa, donc voilà, tout ça. Donc, il a fabriqué des poupées géantes. Bah, déjà, il est tué pas lui-même, c'est déjà ça. Non, mais c'est. Ça me fait un petit peu peur quand même. Oui, hein, oui, non, mais d'accord, mais bon. Donc voilà, donc en fait, la police russe avait mené une enquête depuis des mois parce qu'ils s'étaient rendu compte que les cimetières étaient profanés et ils se sont rendu compte que c'est cet homme-là qui en fabriquait des poupées. Bah, il l'a retrouvé, c'est le principal, tu me diras. C'est le principal. Bon, donc 29 petites poupées, enfin grandes poupées, parce que c'était poupées de la taille d'un être humain. Donc. Quand même, hein. Bah, c'est sympa, le mec il s'amuse, il s'occupe. Mais oui, mais il a avec ça à faire, il faut qu'il passe le temps au final, mais bien sûr. 6h34 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. Si vous débarquez, il y a la ligne anti-relou qui débarque dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Je vous rappellerai également l'énoncé de l'énigme qui colle pour repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Et on écoute LMFAO, Sexy and I Know It. Le son de LMFAO à l'instant sur Fun, c'était Sexy and I Know It. On va parler des Black Eyed Peas dans un instant et de Fergie plus particulièrement, ce sera avec Julie. Mais avant cela, il faut que je vous rappelle bien sûr la devinette qui colle pour repartir avec l'écran plat ce matin. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Alors écoutez bien, minuscule et léger, il est de toutes les fêtes. Et si pour rire on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Si vous avez la bonne réponse, c'est ce qu'on jette. Voilà, comme je le dis en général quand il y a une fête ou nouvel an. En général, on le jette, il y en a plein dans les cheveux, il y en a plein sur les vêtements, il y en a plein partout, c'est une galère à enlever parce qu'après, il faut aspirer, c'est vraiment relou. Et donc, c'est le nom également d'un groupe des années 80, fin des années 80, et le titre de la chanson, c'était The Sound of Sea. Pour ceux qui ont un peu de culture musicale des années 80, vous devriez avoir trouvé. C'est un autre indice éventuel ou... Ils sont pas très intelligents. puisqu'ils sont... Oui. Bon, c'est pas l'indice le plus flag du monde, hein, mais... Ouais, mais si. Ouais. Et toi, Julie, un indice aussi? C'est tout petit et rond. C'est tout, oui, voilà, et c'est de toutes les couleurs. Ouais. Voilà, et donc c'est relou, comme ça je vous le savais. Bon, on va parler des... si vous avez la bonne réponse, donc 6322, vous envoyez votre message avec la réponse, et puis on vous sélectionne peut-être d'ici quelques minutes pour vous offrir votre écran plat ce matin ou votre pack Nintendo. Oui, 6322, c'est un euro le message, bonne chance d'avance. Bon, alors, comment ça se passe au niveau de l'info avec Fergie? Écoute, Fergie, elle quitte les Black Eyed Peas, mais ça, j'imagine que quand même, l'info a un petit peu tourné. Mais oui, on l'a vu. Peu comme elle. Enfin, oui. On en avait parlé il y a pas longtemps. Elle avait dit non. Je ne quitte pas les Black Eyed Peas, pas du tout. Ils faisaient en tout cas eux une pause. Ouais. Donc une pause, voilà, pour se reposer un peu forcément, et ou alors pour avoir d'autres projets chacun de leur côté. Et puis maintenant, Fergie, elle a annoncé qu'elle quittait le groupe. Pourquoi? Pour fonder une famille en fait. Elle est mariée à l'acteur Josh Duhamel, qui est en fait l'acteur qui jouait dans... Josh Duhamel. C'est l'acteur qui jouait dans Casino Las Vegas, la série Las Vegas. Casino tout court. C'était Las Vegas tout court. Donc elle veut faire un bébé avec lui. Alors évidemment, maintenant, tout le monde se demande, mais qui va remplacer Fergie dans le groupe des Black Eyed Peas? Josh Duhamel, il pourrait quand même se taper mieux. Enfin, je me suis souvent dit ça. Pour avoir vu plusieurs fois Fergie en vrai, elle est vraiment pas terrible, quoi. Ah non, mais déjà, elle est refaite de partout. Enfin, c'est un truc de dingue. Et sa tête est difficile quand même. Ah, franchement, ouais. Ouais, enfin bon, voilà. Écoute, à choisir, je préfère encore Julie, pour vous dire. Ah, c'est pour vous dire, c'est pas facile. Hein. Et bien, donc voilà. Ça donc, il y a un nom, on se demande qui va remplacer Fergie. Et bien, il y a un nom qui est cité pour le moment, c'est Ashanti. Ah, ouais, Ashanti, ouais. Oh, elle existe encore, elle. Si vous vous rappelez d'elle. Ouais, elle chantait bien. Une petite chanteuse métisse qui est plutôt mignonne. Et donc, voilà. Alors, qui prendrait Toff, ce serait très bien. Attends, je veux dire, s'ils me prennent moi, c'est le hit l'année prochaine. Bah, ouais, bah, bien sûr, c'est ça. Numéro 1 des charts pendant un an. C'est ça, ouais. Bon, bah, très bien. Bon, on vous tiendra au jus. Donc 6h40 sur Fun. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou. On parlera de l'infotrafic aussi. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, communiquez-nous l'info sur Twitter et Mickaël officiel. Ou alors par SMS au 3044, c'est 50 centimes le message. Et dans un instant, c'est Mika qui arrive. Mika avec elle me dit sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h45, bon réveil tout le monde. On va faire un tour directement du côté de ce qui se passe sur les routes. Si du moins il se passe déjà quelque chose à cette heure-ci, on sait jamais. Eh bien tout va bien sur les routes pour le moment. D'accord, il y a juste un message par contre de Bastien qui m'a envoyé un mail, qui me dit: bonjour l'équipe, accident juste après les travaux de Courcelles, sens Mons Charleroi. Voilà, donc ça va pas si bien que ça, en tout cas pas partout quoi. Mais non, pas du tout. C'est vrai qu'elle a le bras long, elle est connectée directement avec la police. Je suis connectée avec la police, et oui, elle est connectée. C'est vrai. Bah voilà, bah nous on a l'info avant la police. Donc si vous êtes sur le site de la police, ça va arriver. Ça, c'est grâce aux auditeurs. Exactement, c'est beau. Frotte-balle. Moi, ils m'envoient des très gentils messages le matin, tu vois. De quoi, la police? Oui, PV. Non, les auditeurs. Ah oui, d'accord, mais ok. Ouais. Tu veux t'atteindre ma matraque? Non, pas du tout. C'est Julie, tu as une jolie voix, tu es le rayon de soleil. Donc, moi, je les remercie. C'est grâce à eux que je suis bonne humeur tous les matins. C'est certainement pas grâce à vous. On embrasse tous les auditeurs d'Alibraï, bien évidemment. Et également les malentendants, bien sûr. Dans un instant, c'est Mika qui arrive avec elle me dit. Je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un problème sur la route, que ce soit bien sûr un accident, que ce soit je sais pas, un radar planqué, éventuellement un bouchon, bref, transmettez-nous l'info au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors sur le Twitter, c'est Mika officiel. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et tous les matins, il y a évidemment la ligne anti-relou, la ligne bien entendu qu'il faut mémoriser par cœur. C'est le 0-473-86-00-13. Voilà, c'est le numéro qu'il faut retenir et à donner à tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit en bar, que ce soit, je sais pas moi, en boîte, que ce soit votre boss, que ce soit un collègue un petit peu relou, votre prof, n'importe qui. Comme par exemple Aurore, qui est donc, alors, prétendante à Miss Belgique, c'est ça, hein, qui est venue ce matin et qui va certainement donner son numéro à Toff, c'est-à-dire donc le 0-473-86-00-13. Elle peut me donner tous les numéros qu'elle veut, je m'en fous, elle m'a amené le petit déj, c'est le principe. Ouais, c'est ça. Ouais. Il t'a déjà demandé ton numéro ou pas? Non, pas encore. Non, mais ça va pas tarder, t'inquiète pas. Donc retiens bien, 0-473-86-00-13. Voilà, tu lui donnes, je suis sûr que ça va passer comme une lettre à la poste, tu vas voir. Ça marchera très bien. Bon, allez, on va écouter maintenant le premier message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Écoutez bien ça. C'est Christian, ma chérie. C'est parce que comme tu m'envoies ta photo, voilà, sur mon GSM, Allez, gros bisous, je t'aime. Oh, bien. Ah oui, le mec qui est déjà au taquet, lui. Hein. Gros bisous, je t'aime. Je te voie, gros bisous, je t'aime. Ouais, premier appel, c'est pas mal. Il l'aime, il n'a toujours pas vu sa gueule, quand même. Oui, c'est, ouais, si, puisqu'il a reçu une photo. Mais non, j'ai dit, ah oui, c'est lui qui a envoyé la photo. Il attend la photo. Oui, c'est vrai. Bon, bah oui, bah écoute, peut-être qu'il est amoureux du texte. Oui, peut-être de ça. Mais c'est possible. Allez, deuxième message. C'est moi, c'est Christian, ma chérie. Encore. Tu me recevras, ma puce, je t'aime. Oh là là, ça donne envie d'appeler. Tu me recevras, ma chérie, je t'aime. C'est très difficile. S'il te plaît, rappelle-moi. Bon, et puis troisième message. Oui, Marie, oui, je suis sorti de la discothèque parce que tu m'as dit que tu allais chercher un verre pour boire et mon verre aussi. Et puis voilà, je t'attends, moi. Et je t'ai plus revu. Bon, je t'attends dans la discothèque, hein, tout près des toilettes, ça va? Mais non, t'inquiète pas, je vais te faire. Allez, viens. Oui, je t'attends tout près des toilettes. Et surtout, t'es parti chercher un verre pour boire. Non, oui. Peut-être pour lui casser sur la gueule. Ça, c'est possible aussi d'ailleurs. Hein. Non, mais elle l'a pas précisé. Quel endroit glamour pour attendre une femme. Mais oui, dans une boîte à côté des toilettes. Je t'attends à côté des toilettes. T'inquiète pas. J'ai l'odeur pour me retrouver. Mais oui, t'inquiète pas, je vais rien faire. Hein, t'inquiète pas. Bon, allez, on va s'enchaîner le son maintenant, si cette machine de merde veut bien. Voilà. Non, elle veut pas. Si, si. Tu vois qu'on avait dit qu'on allait avoir des problèmes ce matin. Ouais. Comme chaque matin d'ailleurs. Le son de Mika sur Fun Radio, c'est Elle me dit. Il est 6h49. Bon réveil dans un instant. C'est Tof qui va appeler pour faire chier le monde, comme chaque matin. C'était le son de Mika à l'instant sur Fun Radio avec Elle me dit. Bienvenue tout le monde, il est 6h52. Attention, je vous rappelle la petite devinette qui colle ce matin pour repartir avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Il faut deviner bien évidemment le mot qu'on cherche, c'est-à-dire minuscule et léger. Il est de toutes les fêtes. Et si pour rire on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre réponse au 6322, 1€ le message, écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii. Comme j'ai dit, pour ceux qui ont un peu de culture musicale des années 80, c'était le nom d'un groupe qui avait fait le titre The Sound of Sea. Voilà, c'était fin des années 80. Sinon, c'est ce qu'on jette en général lors des fêtes, des petits anniversaires pour les enfants ou la nouvelle année par exemple qui fait chier tout le monde parce qu'il y en a plein qui restent dans les cheveux et on n'arrive pas à les enlever, c'est relou, c'est toutes les couleurs, c'est petit et c'est rond. Voilà. Et Tof avait dit que c'était bête, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était pas très intelligent. Ouais, c'est quand même un indice de merde. C'est des fétis qui sont pas très intelligents. Qui est quand même un indice pas terrible, il faut quand même vous le dire. Voilà, la bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance d'avance. Bon, qui va subir ton appel ce matin? J'ai pas très bien compris donc quand c'était l'Aïd, c'est-à-dire c'était bon la fête du mouton. Alors j'ai pas compris si c'était déjà passé, c'est-à-dire si c'était hier ou si c'était aujourd'hui ou demain. D'accord. Mais bon, c'est pas très grave en fait. Non, parce que ce que j'ai compris c'est qu'il y avait pas assez de moutons. D'accord, et alors? Bah j'ai trouvé une solution, c'est bon. Ouais, mais j'ai toujours pas compris. Je vais appeler des magasins de vêtements pour leur demander s'ils ont du mouton retourné. S'ils ont plus des moutons à l'endroit, on peut toujours essayer avec des moutons retournés. D'accord, ok. Donc tu veux appeler les gens juste pour ça? Ouais. Ok, bah si tu veux, alors très bien. Bon, on va appeler où alors, premier appel? Arscott. Je trouve qu'on va pas assez souvent dans le Brabant. C'est vrai, effectivement, mais quelle bonne idée, tiens. Allez, c'est parti, on y va. On appelle directement à Arscott maintenant. Allez. Allez. En même temps, je suis pas sûr que ça décroche, mais on verra. Allô, les clading direct. Allô, bonjour, madame. Allô. Les clading direct. Oui, si j'appelle, c'est pour vous faites les moutons. Oui. Ah, vous faites les moutons. Non, parce que j'appelle parce que comme c'est l'Aïd, j'aurais besoin des moutons pour ce soir pour faire le repas. Kan u klein beetje Nederlands? Non, c'est pas possible. Une minute, hein? Oui, c'est pas problème. Allô? Allô, madame? Oui, voilà, j'appelle parce que je voudrais les moutons. Vous avez les moutons? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Parce que je voudrais les moutons que c'est pour faire l'Aïd, si possible? Oui, bien sûr. C'est pas problème? Non, pas de problème. Ah, bon, d'accord. Alors, j'y peux passer vers quelle heure pour prendre les moutons? Oui, bien sûr. Voilà. Quelle taille? Oui, ce sera pour 6 personnes. Pour 6 personnes? Si, c'est ça. Oui, bien sûr, si vous venez. On est ouvert jusqu'à 6 heures. D'accord, si possible, alors je passe aujourd'hui jusqu'à 6 heures pour prendre les moutons. Oh, ça va. D'accord, ben écoute, je remercie, c'est très gentil, beaucoup. Oui, au revoir. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure. Oui. Bon bah voilà, t'as réussi à avoir ton mouton. Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait bien compris de quel mouton je parlais. Mais... Je crois pas non plus. Bon, on essaiera d'en appeler d'autres tout à l'heure, évidemment, pour avoir un peu plus d'infos, bien sûr. Dans quelques instants, il y aura l'info aussi, Julie. Mais les dettes pas serviables. elle était serviable, effectivement. Il y aura l'info de Julie également, et puis la réponse aussi à la devinette qui colle, sans oublier la ligne anti-relou. Je vous en parle dans un instant, et sans oublier aussi d'ailleurs qu'il y aura avant 9h30 des places à gagner pour aller mater le Star Floor. C'est l'événement dance floor de l'année, ça se passera à Paris-Bercy, on vous enverra là-bas tout gratos tout à l'heure. Et on va s'écouter Mutton Heads maintenant et Eden Martin, Trust You Again. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Le son de Mutton Heads à l'instant sur Fun Radio, son que vous avez découvert chez nous d'ailleurs il y a quelques semaines maintenant. Trust You Again. À 6h59, dans un instant, c'est l'info qui va arriver avec Julie. Je vous rappelle également que dans 10 minutes, on fera péter le remboursement des factures. Si vous voulez vous faire rembourser votre facture, eh bien vous envoyez votre petit message au 6322 également. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme par exemple quelques factures qui sont arrivées. 103 euros pour des lunettes de soleil Ray-Ban, 25 euros pour le GSM, d'accord, ok, 175 euros pour le Minerval de l'école, 100 euros pour la redevance télé, et puis 6322. Vous vous inscrivez, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, Tov va mettre une photo avec Aurore, évidemment. Mais évidemment. Bien évidemment, Aurore, qui est donc prétendante à Miss Belgique, c'est ça, hein, et qui est venue nous apporter un petit déj ce matin. Bien c'est évidemment. Parfait. Qui est venue nous apporter un petit déj intéressé, hein. C'est normal. Bah, c'est normal, c'est faut normal. Faut bien qu'elle récolte des votes. T'as remarqué, elle a toujours pas donné le numéro pour voter. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. J'attends que. Bah, à mon avis, je crois qu'elle est quand même intelligente parce que tu sais, elle se dit, bon, à 7h, les gens sont encore tous debout, je vais plutôt attendre vers 7h30, 8h moins quart, tu vois. Là, il y aura plus de monde, donc tu vois, quitte à lâcher le truc, hop, je préfère que ça arrive à ce moment-là. Et c'est intelligent de sa part, c'est intelligent mais de sa part. Aurore est intelligente. Mais écoute, on ne l'a pas encore entendu parler, donc je ne peux pas confirmer. Moi, je l'ai entendu un petit peu parler et je peux vous dire qu'elle est intelligente. D'accord, bon, bah écoute, très bien. Dans un instant, c'est Likili qui arrive avec Reverse. Il fait une chaleur, un truc de fou. Mais non, c'est toi qui es malade. Ah non, je suis appelle en train un médecin, là, fais quelque chose. De mourir de chaud, là. Likili qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Et l'info maintenant à 7h pile, c'est avec Julie. Bonjour à tous. Coupable, le docteur Conrad Murray a été condamné pour homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Lors de la lecture du verdict, l'homme est resté impassible. Le juge a ordonné son placement en détention. Il a tout de suite été menotté par les policiers présents dans la salle. Avant d'être évacué, il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Et puis la nuit dernière, le champion de boxe Joe Frazier est décédé des suites d'un cancer du foie à 67 ans. Il avait été le premier homme à vaincre le légendaire Mohamed Ali, s'emparant du titre des poids lourds en 1971. Chez nous, arrêt de travail ce matin à la station de métro Ribeaucourt à Molenbeek. Les agents protestent. Dimanche soir, deux agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station. Les agents avaient été appelés pour secourir un homme pris d'un malaise. Lors de l'intervention, des jeunes les ont bousculés avant d'appeler des amis en renfort. Les membres du personnel de la STIB souhaitent utiliser des sprays anti-agression lors de leurs interventions, ce que la direction refuse. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois si la direction ne dégageait pas des moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. À Gand, un homme est recherché pour une dizaine d'attentats à la pudeur. Les faits se sont produits entre mars et octobre 2011. 10 victimes, toutes des jeunes filles âgées d'environ 20 ans, ont déjà déposé plainte. L'auteur, qui opère la nuit entre minuit et 7h du matin, attrape ses victimes par l'arrière avant de les maîtriser et de les empoigner à l'entrejambe. L'individu menace parfois ses victimes à l'aide d'un couteau. L'espoir s'amenuit pour les deux alpinistes bloqués depuis plus de 5 jours dans le massif du Mont Blanc. Le brouillard persistant complique le travail des hélicoptères. Le guide de haute montagne et sa cliente, une alpiniste parisienne expérimentée, sont bloqués depuis mercredi soir. Les contacts téléphoniques avec eux se sont interrompus vendredi après-midi faute de batterie. Et puis enfin, l'Iran aurait franchi une étape essentielle vers la bombe, selon le Washington Post. Selon les sources citées par le quotidien américain, un expert soviétique a appris aux Iraniens à construire des détonateurs de haute précision, du type de ceux utilisés pour déclencher une réaction nucléaire. L'Iran a rejeté d'avance les nouvelles accusations et a menacé Israéliens et Américains de représailles en cas d'attaque. Et on va passer à la météo dans un instant. Il est 7h03. On écoutera également le son de Licky Lee, I Follow Rivers. Bon, bah, passe la journée d'aujourd'hui. Que va-t-il faire comme temps demain? Je vais quand même dire en deux mots, la journée va être morose aujourd'hui, mais pas de pluie à prévoir. C'est déjà pas mal. De 11 à 14 degrés. Demain, le soleil revient par l'ouest. Et ben voilà la bonne nouvelle. 7h03 dans un instant. Nous allons parler de l'info en plus. Et puis, je vous rappelle aussi comment faire pour les inscriptions pour repartir avec le remboursement de vos factures. Ça se passera dans 5 minutes. Il suffit de vous inscrire au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et c'est peut-être chez vous que nous appellerons d'ici quelques instants. 6322, code facture, bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle également. Mais avant cela, passons maintenant à l'info en plus. Alors, est-ce que vous connaissez la Westvleteren? Westvleteren, non. Ça ne vous dit rien? Mais non. Enfin, c'est la meilleure bière du monde. Ah oui, mais j'aime pas la bière, donc ça commence déjà très mal. Alors ça, c'est assez incroyable. Vous ne connaissez pas la Westvleteren? Oui, je suis assez d'accord. Oui. Non, mais non, par contre, Julie la Pochetronne connaissait bien. Alors, ça, je la connais bien. Oui, mais j'en ai encore bu 10 ce matin. On en a énormément. Oui, bien sûr, toujours. Moi, dis avant de commencer l'émission. Ah bah oui, c'est pour être en forme. Eh bien, la Westvleteren est une bière qui est très connue parce qu'elle a quand même été élue meilleure bière du monde. Et c'est une bière belge, une fois de plus, cocorico à nous. On en a beaucoup. Faire, c'est une bière belge une fois. Non. J'aurais eu très peur. Tu t'es dit non. Ouais, c'est ça. T'aurais pu te virer. Eh bien, ouais, c'est vrai, j'aurais pu te virer. Eh bien, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce qu'en fait, la particularité de cette bière, c'est que tu ne peux aller la chercher que chez les moines qui la fabriquent, les moines Saint-Sixtus. Et tu dois téléphoner le lundi entre 9h et 10h pour prendre rendez-vous pour aller chercher un bac de 6 bières parce que tu peux pas en prendre plus et le bac coûte 25 euros. Donc, ah oui, quand même, c'est de l'or la bière. Ah oui, la bière c'est vraiment de l'or et c'est un truc super recherché, etc. Et on en a beaucoup parlé ces derniers jours parce que en fait, ils ont fait une action spéciale, les moines, pour récolter des fonds pour l'abbaye. Ils ont vendu exceptionnellement le temps d'un week-end la bière chez Colruyt. Mais il fallait d'abord récupérer un bon dans un magazine, machin, enfin bon, bref. Mais les 90 000 casiers packs de 6 ont été vendus en quelques heures à peine, donc les Colruyt ont été dévalisés. Et maintenant, ce qui est assez drôle, pourquoi j'en parle maintenant, c'est pour dire qu'en fait, maintenant, on revend cette bière à 250 euros sur eBay. Ouais, si j'avais su, j'aurais fait, c'est pas mal. Ah oui, donc, oui, c'est si assez fort. Su. Donc voilà, donc on trouve des coffrets allant jusqu'à une soixantaine d'euros, jusqu'à 250 euros. Ah oui, c'est pas mal. Pour savoir qu'à la base, c'était un pack de 6 se vend à 25 euros, bah maintenant, ce sera à x10. Quoi. Tu m'étonnes. Ouais, c'est pas ça mal. Pour une bière, je trouve ça quand même assez fort. C'est quand même, oui, c'est relativement cher, on peut le dire, effectivement. Ces pauvres moines qui sont spoliés. Mais oui, c'est ça, les pauvres. Bon, 7h06 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Le remboursement des factures dans un instant, c'est juste après le son de Licky qu'on écoute tout de suite. C'est I Follow Rivers. Bonne matinée sur Fun. 7h10 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'était Licky Lee à l'instant, I Follow Rivers. Je vous rappelle une dernière fois la devinette qui colle là. Minuscule et léger, il est de toutes les fêtes. Et si pour rire on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Je vous ai dit, c'est le nom d'un groupe des années 80, hein. Le titre c'était The Sound of Sea. Voilà, pour ceux qui ont un minimum de culture des années 80, c'est ce qu'on jette en général pour les fêtes, Nouvel An, etc. Il y en a plein partout, c'est petit, rond et coloré. Si vous avez la bonne réponse, 6322 pour gagner un écran plat ou des packs Nintendo. Oui, bonne chance. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et ce matin, nous allons encore vous rembourser une facture. C'est comme ça que ça se passe tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. On vous appelle en direct sur Fun Radio. Si vous répondez correctement à la petite question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, si vous répondez soit Fun Radio, soit Mickaël, vous repartirez avec le remboursement intégral de la facture. Pour les inscriptions, ça se passe également au 6322. 1 euro le message, il y avait 74 euros pour un humidificateur, c'est Charlie. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? 125 euros pour une machine à café, 75 euros pour le maréchal Ferrand, 25 euros pour je sais plus quoi, j'ai perdu le message, c'est dommage. Et là, on appelle qui, Lob? On appelle 58 euros pour Proximus. On appelle monsieur 58 euros, monsieur, d'accord. 58 okay. euros pour Proximus. Et je n'ai toujours pas dans le standard là. Il est là. Et il est là, il est là. Il est là. Ça, toujours pas. Ça, c'est ce qu'il te dit, mais en ouais, vrai. C'est ça, ouais. Proposer un cotillon pour la réponse. Ce n'est pas là un cotillon. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin? C'est Mickaël sur Fun Radio. Oui, et coupe ta radio. Oui. Voilà, comment tu t'appelles? Chantal. Salut Chantal, comment ça va Chantal? Ça va, ça va. Bon, bah tant mieux, hein. Bienvenue Chantal. T'es dans quelle ville Chantal? Soigny. À Soigny, très bien. Chantal, tu avais une facture de 58 euros, je crois. 58 euros pour Proximus. 58 euros pour le téléphone, c'est ça? Oui. Ah bah il faut téléphoner moins Chantal, hein. Chantal, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, on dira pas. Hein. C'est pour ça qu'elle téléphone longtemps. C'est que si elle met 5 minutes à répondre à chaque phrase. Non, mais c'est parce qu'elle a pas coupé sa radio. Donc, du coup, elle attend une demi-seconde qu'elle s'entende à la radio pour répondre. Donc, forcément, ça fait un bug. N'est-ce pas, Chantal? Hein? Oui. Hop là, voilà, tu vois. Et ben voilà, Chantal. Hein. Les conversations sont longues avec Chantal. Ah oui, bah là, oui, effectivement. Bon, Chantal, tu vas rester au standard. On va t'expliquer comment faire pour qu'on te rembourse ta facture, d'accord? Ça va. Eh ben, ah, très bien, Chantal. Au revoir, merci beaucoup. Gros bisous, salut, à bientôt à Soigny. Ciao, bye bye. 99.8 pour écouter Fun à Soigny. Et puis, nous allons revenir dans un instant. Déjà, tout à l'heure, on remboursera encore des factures. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous avez 58 minutes pour ce faire. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On va revenir dans un instant sur Fun Radio avec l'horoscope de Doudou, avec également le son de Maroon 5. La réponse aussi à la devinette qui colle pour repartir avec l'écran plat. Et puis on parlera également de l'amour et dans le pré. J'avais presque oublié d'en parler. Il s'est encore passé du lourd hier. Oh, du très lourd. Maroon 5, ça arrive après la pause sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Maroon 5 à l'instant sur Fun Radio avec Christina Aguilera, c'était Moves Like Jagger et nous allons passer maintenant à l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope de Doudou, c'est comme chaque matin sur Fun Radio aux alentours de 7h15, 7h20. Et comment va Doudou d'ailleurs ce matin là? Qu'est-ce qui vous est arrivé Doudou? Oh là là, c'est-à-dire que j'ai eu une petite altercation. Ah bon, mais vous êtes battu? Bah oui, elle disait que j'étais un charlatan. Attends, t'as pas les gens pour ça, Doudou. Enfin, la violence n'arrange rien. Ah non, ça je le vois bien sur ma tête, hein, ça n'a rien à manger. Ah bah c'est bien de vous en rendre compte, hein, Doudou. Ah, hein. Oui, oui, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand même de lui mettre ma main sous sa gueule. Ouais, ouais. Bon, allez, Doudou, on va commencer par les béliers. Le meilleur signe, hein, on peut le dire. Je n'irai pas jusque là. En tout cas, il est premier, hein, il y a une raison. Oui, bah, il est premier parce qu'il fallait bien commencer par quelqu'un. C'est ça. Alors, prenez aujourd'hui un peu vos distances concernant les affaires financières. D'accord, très bien. Les taureaux? Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer à le Saint-Bernard. Les gémeaux? Allez prendre l'air aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de vous faire chier sur les gémeaux aujourd'hui. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Donc, oui, c'était un thème pourri aujourd'hui. D'accord. Bon, les cancers. Il est important d'éclaircir un malentendu avant que ça ne se transforme en problème. D'accord. Les lions. Il est important d'éclaircir un malentendu avant que ça ne se transforme en problème. Vous êtes pas en train de vous foutre de notre gueule, là, Doudou. Ouais, je crois qu'il y a eu un petit problème dans la transcription. Bon, les vierges. Ne vous résignez pas, il y a parfois des hauts et des bas. Les balances. Vous avez une petite baisse aujourd'hui, mais ça ne va pas durer longtemps. Les scorpions. Il semble que quelqu'un vous veut du tort dans votre entourage. Faites attention. Les sagittaires. Même s'il n'y paraît encore rien, vous allez essuyer dans les prochains jours des tempêtes positives. Les capricornes. Je comprends rien. Et donc, vous êtes troublé par Aurore qui est à côté de vous. Comment ça se passe? Mais oui, c'est très difficile, Marie Aurore. Elle est beaucoup de choix pour elle. Ouais, c'est ça. Bon, les capricornes. Je sais plus. Alors, ne vous concentrez pas trop sur votre avenir professionnel. Concentrez-vous sur la réussite. Je comprends rien. C'était pas facile aujourd'hui. Ouais. Concentrez-vous sur la réussite, tout simplement. Mais de non, votre c'était partenaire. Pas ça. Voilà, c'est ça. Pas sur votre avenir. Les versos, allez-y, Doudou. On va y passer la nuit, la fin de la journée. Alors, pour profiter de votre bonne humeur, vous devriez régler toutes vos tâches aujourd'hui. Les poissons. Profitez de cette journée pour mettre un peu vos distances et faire le point sur votre situation. Très bien. Bon, ben réveillez-vous, on vous retrouve dans une heure, Doudou, hein, d'accord? Oui, parce que je crois qu'il y a un petit problème. Oui, ben, je vous confirme, effectivement. Bon, dans un instant, la réponse à la devinette qui colle avec un auditeur ou une auditrice qui aura envoyé sa réponse au 63-22. Le temps d'écouter Jay-Z, Kelly West, Why I Love You. Et puis, on parlera également de l'amour et dans le pré juste après. Jay-Z à l'instant sur Fun Radio avec Why I Love You. 7h24 sur Fun Radio, nous avons normalement avec nous Christophe qui est là pour la devinette qui colle. Salut Christophe, t'es là? Oui, je suis là, de ce côté. Comment ça va Christophe? Ça va. Bon Christophe, t'as la réponse à la devinette qui colle? Ouais, c'était confettis. Eh oui, les confettis, ouais, exactement. Minuscule et léger, il est de toutes les fêtes. Et si pour rire on vous en jette, ne craignez rien, c'est sans danger. Bravo à toi. Écran plat ou pack Nintendo Wii, tu choisis quoi? Écran plat. Eh ben l'écran plat, il est pour toi. On va t'envoyer ça, Christophe. Y a pas de problème. T'es dans quelle région là? Forêt. Ah, t'es pas loin de la radio, bah, c'est parfait. Bon, écoute, Christophe, je te repasse l'ob au standard, d'accord? Ça va, ok, merci beaucoup. Hein. Salut, bonne journée à toi, à bientôt. Salut, salut, bonne journée. Et on remet le couvert avec un autre écran plat d'ici quelques instants avec une nouvelle devinette qui colle. Et puis parlons maintenant de l'amour est dans le pré, puisque hier soir on a encore eu droit à du foin, des vaches et des larmes sur RTL TVI. Oh, quel bon résumé de l'amour est dans le pré. Oui, je trouve aussi. Non, mais je pense au fait qu'il est bon de rappeler le principe de l'émission, parce que tout le monde n'a pas l'air d'avoir vraiment compris le principe. Hein. Alors, mon genre d'homme, grand, sportif, les cheveux marrons, les yeux foncés, plutôt employé de bureau. Oui. Alors, comment lui dire qu'elle n'est pas tout à fait dans la bonne émission, en fait, hein? Non, c'est moi. Voilà. C'est-à-dire que la meuf, elle cherche un employé de bureau dans une ferme. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, maintenant, on va faire un petit jeu. Alors, il faut deviner ce qu'il faut. Écoutez bien. Tout ça, il faut enlever, hein. C'est pas très bon, hein, quand tu l'as dans la bouche. Je sais, mais bon. Je passe derrière toi. Ah, alors... il aurait donc une hygiène un petit peu douteuse. Ouais, donc, de quoi il parle, Julie? De quoi il parle? Ah, mais je sais pas, j'étais pas. Bah, comment? Ah, mais j'écoutais pas, c'est sur les infos. Il est 7h26. Je ne suis pas dans mon lit, merde. 7h26. Forcément, je me concentre sur ce qui tombe comme info, oui, je suis désolée. C'est ça, ouais. Mais j'ai vu l'amour est dans le pré hier, c'est pour ah, ça. Ah, d'accord. Et okay. J'ai vu, oui, voilà. Donc, bon, bah là, du coup, elle sait de quoi il parle, mais donc ouais. Effectivement, Tof, ce n'est pas ce dont tu parlais, évidemment. Hein. Donc, Julie Taton est là pour donner la bonne réponse, heureusement. Atelier cuisine pour Christophe, qui prépare le barbecue du soir avec Jean et Anne-Michel. Non, mais ouais, franchement, on est sur RTL. Ah, bah oui. On va pas parler de cul quand même. Hein. Et d'ailleurs, si on ne parle pas de cul sur RTL, on parle pas super bien le français non plus. Hein. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Et oui, d'avoir venu. Hein. Voilà. Et bien nous aussi, on va te remercier d'avoir ça, venu. J'ai adoré. Et on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ouais. Bon. Et juste vite fait, parce qu'il y a quand même un grand reportage dans le Ciné Télé Revue de cette semaine sur l'amour est dans le pré. Et donc, tu sais, ils te présentent ça comme si c'était l'émission de l'année ultra top secret. Hein. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, Michel et Mireille se sont séparés. Oui, alors qu'ils vivaient le grand amour. Et là, nous avons une source qui a préféré garder l'anonymat. Je vous jure, c'est écrit comme ça dans le Ciné Télé Revue. Michel accumulait les gaffes, il ne s'excusait pas, il vivait dans sa bulle. Et oui, quelle grande information. Merci Ciné Télé Revue. Merci d'avoir pris un témoin anonyme pour nous dire ça. On n'avait pas vu l'émission. C'est ça. Bon, 7h27 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. L'info de Julie arrive juste après le son de Beyoncé et Shakira. C'est Beautiful Liar sur Fun. Le son de Beyoncé à l'instant sur Fun Radio avec Shakira, c'était Beautiful Liar. Dans quelques instants, il y a l'info qui va arriver avec Julie et la nouvelle devinette qui colle. Écoutez bien, de justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un gourmet. Il est de glace à Versailles. Qui est-il? Je répète, de justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un gourmet. Il est de glace à Versailles. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Or, en général, les grands rois en ont. Hein. Mm-hmm. Voilà. Bon, disons qu'un roi, en général, en a un. C'est sa demeure. Enfin, sa demeure. En tout cas, il y est souvent. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Écran plat ou des packs Nintendo Wii qui sont à gagner. Bonne chance tout le monde. Je vous donnerai peut-être d'autres indices d'ici quelques instants, à moins que Julien ait un. Est-ce qu'il peut être de sable? Oui. Okay. Peut-être de glace également ou des sports. Bon, ça dépend de certaines villes. À Paris, par exemple, il y en a un des sports. Voilà. Ouais. Bon, on fait des concerts souvent d'ailleurs aussi. Il peut pas être de sable alors. On n'est pas sur le même truc. Hein. Ah oui, non, bah, non, alors t'es pas sur le même truc. J'avais effectivement. J'ai entendu un de sable. Hein. Ah oui, enfin, non. Ah non, pas c'est du bien, tout. Je vois que tu écoutes moi. Aussi, tu suis ce que je te dis et tout ça. J'ai pas le temps. C'est agréable. Je suis overbuzzy. Non, mais on critique. Y a pas de mal. Puis, Bon, dans un instant, c'est Niro qui arrive sur Fun Radio avec Promises. Et à 7h31, c'est l'info avec Julie. Bonjour à tous. Coupable, le docteur Conrad Murray a été condamné pour homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Le juge a ordonné son placement en détention. Il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre prochain. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Chez nous, arrêt de travail ce matin à la station de métro Ribeaucourt à Molenbeek. Les agents protestent. Dimanche soir, 2 agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station. Les agents avaient été appelés pour secourir un homme pris d'un malaise. Lors de l'intervention, des jeunes les ont bousculés avant d'appeler des amis en renfort. Les membres du personnel de la STIB souhaitent utiliser des sprays anti-agression lors de leurs interventions, ce que la direction refuse. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois. si la direction ne dégageait pas de moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. Un suspect du cambriolage de la bijouterie Hertens d'Alsenberg a été interpellé. Il s'agit de l'homme ayant été blessé au couteau par le bijoutier. L'individu a été interpellé vendredi dans un hôpital bruxellois où il se faisait soigner. Pour rappel, l'attaque de la bijouterie a eu lieu mercredi dernier. L'un des deux malfrats avait été blessé à la gorge par le bijoutier. Le deuxième cambrioleur est toujours en fuite. À Gand, un homme est recherché pour une dizaine d'attentats à la pudeur. Les faits se sont produits entre mars et octobre 2011. 10 victimes, toutes des jeunes filles âgées d'environ 20 ans, ont déjà déposé plainte. L'auteur, qui opère la nuit entre minuit et 7h du matin, attrape ses victimes par derrière avant de les maîtriser et de les empoigner à l'entrejambe. L'individu menace parfois ses victimes à l'aide d'un couteau. L'espoir s'amenuit pour les deux alpinistes bloqués depuis plus de 5 jours dans le massif du Mont Blanc. Le brouillard persistant complique le travail des sauveteurs. Le guide de haute montagne et sa cliente, une alpiniste parisienne expérimentée, sont bloqués depuis mercredi soir. Les contacts téléphoniques avec eux se sont interrompus vendredi après-midi, faute de batterie. Et puis l'Italie menace d'être emportée par la crise de la dette avec une envolée de ses taux d'emprunt sur les marchés. L'Italie va faire l'objet d'un contrôle du FMI ainsi que de la Banque Centrale Européenne. De ce fait, ce pays ne sera pas loin du traitement réservé aux pays de la zone euro ayant été contraints de recourir à l'aide internationale comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal. La Grèce, quant à elle, progresse vers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et à 7h34, on écoutera dans un instant Niro sur Fun Radio avec Promises. Et on va passer maintenant à la météo. Pas terrible pour aujourd'hui, ah ouais, encore beaucoup de nuages. Heureusement, je t'avais dit d'arrêter de dire la météo d'aujourd'hui, là, autant passer directement à celle de demain. Heureusement, le parapluie ne sera pas nécessaire. Température de 11 à 14 degrés. Bonne nouvelle, demain, le soleil revient par l'ouest. C'est déjà ça, effectivement. Ouais. Ah, un petit message pour toi, Julie. Ah oui. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Voilà, donc il est content que tu aies fait l'info et la météo. Bon, avant ça, il y a l'info en plus. L'info en plus qui est un petit peu glauque, je vous préviens tout de suite, ça se passe en Russie et c'est un Russe qui en fait volait des cadavres dans les cimetières pour en faire des poupées. Il a été arrêté la semaine dernière et mais il chacun son occupation, je comprends pas pourquoi ça te choque. Mais ça ne me choque pas du tout. Mec, il volait des morts. Bah attends, pourquoi pas. C'est sympa. Pourquoi pas. C'est un sport comme un autre. Il a fabriqué comme ça 29 poupées. Mais ouais, de écoute, cadavres. Une belle poupée, moins de la taille réelle. Hein. Bah écoute, il stockait ça chez lui, pas mal. En fait, on a retrouvé donc chez lui dans un capharnaüm incroyable dans sa maison, il y avait des corps en fait habillés, les visages recouverts de têtes de poupées ou de peluches. Et puis ça devait sortir bon en plus. Hein. Les mains, les pieds étaient fabriqués avec les corps momifiés. T'as regardé les experts en fait, c'est ça ton info, non? Ah c'est ça en fait, non. Je sais pas, mais ça a l'air tellement bizarre. C'est une véritable info, c'est un habitant qui a 45 ans de Nizhny Novgorod. Bon, enfin quelque part par là quoi. Ouais bah en Russie. Et en fait la police cherchait depuis plusieurs mois quelqu'un qui avait profané en fait les cimetières de la région et puis ben, ils se sont rendus compte que c'était cet homme-là qui est en fait assez connu dans les cercles des scientifiques. Il a quand même un doctorat sur la culture celtique, donc je pense qu'il est un petit peu atteint quoi. D'accord, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoute. Bon, bah 7h35, dans un instant, j'ai un super bel indice, plusieurs même donné par Loïc pour la devinette qui colle, donc pas mal, je vous en parle dans un instant, le temps d'écouter le son de Niro sur Fun Radio. Ça aussi, c'est un son de la dubstep que vous avez découvert sur Fun au mois d'août d'ailleurs, hein, ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. À 7h36, on écoute Niro maintenant, c'est Promises, et juste après, on aura Toff pour un petit Mickaël Réveille la Belgique sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h39 et bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est tous les matins sur Fun jusqu'à 9h30 évidemment, avec tout à l'heure des places encore à vous filer pour le Star Floor, l'événement Dance Floor de la fin de l'année, avec pas mal d'artistes qui seront à Paris-Bercy. On vous enverra jusque là évidemment pour aller assister à ce gros événement. Et puis toujours la devinette qui colle, écoutez-la bien, de justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un gourmet. Il est de glace à Versailles. Qui est-il? Et Loïc m'avait donné pas mal d'indices à vous donner justement, merci à lui. Il est aussi des congrès à Liège, c'est vrai, c'est le plafond de la bouche, c'est vrai aussi, et il est l'équivalent de beau. Voilà, c'est pas exactement ce qu'on cherche, mais disons que si on le dit, c'est ça. Enfin, vous comprendrez après. Ah, ok. Voilà. Oh là là. Il est aussi de congrès à Liège, c'est le plafond de la bouche, bien et il est l'équivalent de beau. C'est bien tiré par les cheveux. Ah ouais, c'est pas mal, Loïc, bravo à toi. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce qu'on cherche? Qui est-il? Donc, de justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un fin gourmet. Il est de glace à Versailles. Qui est-il? 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner ou des packs Nintendo. Et nous avons avec nous maintenant Toff, qui est là pour le Mickaël Réveil à Belgique. Allô, allô? Allô? Ah, c'est très difficile. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton tel que je puisse t'entendre? Oui, c'est ce que je fais, hein. Voilà, parce que là, je ne t'entends absolument pas. C'est-à-dire que je devine ce que tu dis. Ah bon, bah pourtant, tout fonctionne. Ah voilà, là c'était mieux, là c'est moins bien. Bah j'ai rien changé, et là ça va mieux là. C'est beaucoup mieux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah écoute, alors c'est qu'il y a un problème avec la table de mixage, mais c'est pas grave. Bon, alors, du coup, comment ça se passe? Écoute, ça se passe très bien. Alors, si tu te demandes où sont les gens à 7h20 le matin, ouais. Eh bien, je sais, ils sont à la gare. Ils sont à la gare. Ah, mais t'es à la gare du midi, là? Là, je suis à la gare du midi, ouais. Donc, en fait, je viens de me faire injecter une première fois, mais je ne lâche pas l'affaire. D'accord. Et là, je suis en train de courir dans la gare pour faire le tour et repasser dans le truc de réservation par l'autre entrée. D'accord. Ah, t'es au truc de réservation où il y a tous les guichets, là? Voilà. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que je suis rentré donc par le côté, par une des entrées. Ouais. Il y a la sécurité qui m'a chopé. D'accord. Déjà. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu avec un mégaphone, ils n'ont pas trouvé ça normal, j'ai pas compris pourquoi. Sans déconner. Ouais, bizarre. Ouais. Et du coup, là, je suis en train de courir pour aller vers l'autre entrée. Et donc pouvoir recommencer. D'accord, ok, très bien. Le but est évidemment de faire un promo d'émission. Hein. Évidemment. Voilà, donc toi, tu es à la gare du midi avec un mégaphone et il va donc crier. Ne crie pas, hein. Non, mais ne crie pas, ne t'inquiète pas. Non, non, fais pas comme la poix. Voilà, c'est bon, je suis arrivé. Voilà. Le mec de sécu n'est pas là. Très bien, alors vas-y, profites-en. Bon, je rentre. Vas-y. Hop. Parce que je vais m'utiliser, j'en suis pas drôle. C'est bon, allez, on y va. Ça y est, allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Lance-toi. Tous les matins, Michel, réveille la Belgique sur Fun Radio 104.7. Tous les matins sur Fun Radio 104.7, écoutez Michel sur Fun Radio. Le mec de la sécu, comment il va? Parce que les gens de la SNCB ne sont pas très drôles. Ils sont pas là pour ça, tu me dis. Tous les matins, écoutez Michel sur Fun Radio 104.7, de 6h30 à 9h30. Donc là, j'ai des mecs qui me courent derrière. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, on court plus vite que ça. Si je ne reviens pas tout de suite, c'est que je suis occupé. Oui, oui, bah, on a bien compris. Négocier, effectivement, voilà. ta libération. Donc, effectivement, on n'attend plus, donc je ne sais pas ce qui se passe. Pas de problème. Bon, effectivement, il était à la guerre. On a bien entendu cette belle voix douce. Le train en provenance de la guerre de Liège. J'arrive sur le quai numéro 17. Bon, 7h43 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Si vous aussi vous voulez faire un petit réveil la Belgique chez vous, alors il n'y a pas de problème. Vous inscrivez au 3044 en débutant le message par réveil. Et nous, on revient dans un instant sur Fun avec le son d'Ina et Un Momento. Et je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, on est là, il n'y a pas de problème. Il suffit de taper Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont sur Facebook et sur le Twitter également de l'émission. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde. Nous allons maintenant passer à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Accident à hauteur de Houdin sur le 19 Valenciennes-Mons en direction de Bruxelles. Bande de droite et du milieu obstrué. Situation dangereuse au kilomètre 41.9. Accident également sur la N90 Liège-Namur-Charleroi-Mons à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre. C'est donc direction de Charleroi. Bande de droite obstruée. Situation dangereuse également. Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hall. C'est la bande de droite qui est obstruée à hauteur de l'échangeur. Et accident sur le 40 Gand en direction de Bruxelles à hauteur de Halst, en direction donc de Bruxelles au kilomètre 16.8. Très bien, bah que des emmerdes donc, hein, plus tous les problèmes habituels, bien évidemment. Bien sûr, plus tous les ralentissements pour rejoindre la capitale. Évidemment, voilà, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, radar, bouchon, accident, vous nous dites tout ça, vous faites jouer la Fun Solidarité, vous faites 30-44 par SMS et 50 centimes le message, ou un petit mail, mickaël@funradio.be, ou encore sur Facebook et Twitter, vous tapez mickaël officiel. Allez, c'est parti maintenant avec la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. Et avant d'écouter Ina avec Juan Magan, ça sera Un Momento, la ligne anti-relou. C'est chaque matin sur Fun Radio avec les meilleurs messages qui ont été laissés au 0-473-86-00-13, numéro de la ligne anti-relou qu'il faut connaître par cœur, car c'est un numéro à donner si vous êtes confronté à un relou qui vient vous prendre la tête dans un bar, dans une boîte. Ça peut également être le fisc par exemple, ou la police, ou votre prof, votre directeur, bref, quelqu'un qui veut vous prendre la tête. Vous lui donnez ce numéro en disant vous n'avez pas le temps, mais que vous donnez le numéro qui rappelle un peu plus tard. Voilà, donc le relou va croire qu'il a fait la bonne affaire du siècle puisqu'il a votre numéro, sauf que forcément il va tomber chez nous. Et quand il tombe chez nous, on passe les meilleurs messages à l'antenne, comme celui-là par exemple. I'm a little bit surprised actually, because since yesterday morning we were supposed to be chatting over the phone and there is no news from you. It's not very nice actually to do that sort of thing. I don't know. Goodbye. Ah ouais. Bon, nous avons maintenant des messages de toutes les langues. Maintenant, c'est parfait. C'était un message en anglais. On se croirait un peu, tu vois, sur la lune, là, Houston. We've got a problem. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, 7h50, c'est pas grave. On va passer à un deuxième message maintenant. Écoutez bien. C'est Christian, ma chérie. C'est parce que, comme tu m'as envoyé ta photo, voilà, sur mon GSM. Allez, un gros bisou. Je t'aime. Ah, carrément, l'autre, il l'aime et tout le bordel, là. Et... mais pas du tout, il a pas peur lui. Hein. Ça, bon, ça se trouve, il a jamais vu à quoi elle ressemble. Mais il a jamais vu à quoi elle ressemble, puisqu'il attend sa photo, il l'a dit. J'attends ta photo, il a tu viens me l'envoyer. Ah bah oui, juste. Non, j'attends ta photo, je t'aime. Bon, et puis troisième message. Je t'aime. C'est moi, c'est Christian. Ah, c'est encore lui. Tu me recevras ma puce, je t'aime. Oh là là, et en plus, il est stressant avec sa voix là. Tu vois directement cet pervers. Mais je vais te rappeler. Ne t'inquiète pas, surtout. Bon, la ligne anti-relou revient en moins d'une heure. Et retenez bien le numéro 0473 86 0013. 8h10, dans un instant, c'est Off qui va faire chier le monde, évidemment, comme d'habitude. Et puis, on va s'écouter le son d'Ina maintenant avec Juan Magan. C'est Un Momento sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Et puis, à tes souhaits, Julie. Hein. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Il y aura l'info de Julie aussi. C'est dans moins de 10 minutes. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'est écartée du micro, c'est genre pour professionnel, c'est pour que ça s'entende pas. Mais Julie, quand elle tousse, elle fait. C'est ça, exactement. C'était le son d'Ina à l'instant sur Fun Radio avec Un Momento. Il est 7h53. Bienvenue si vous venez de débarquer. Il y aura l'info de Julie qui va débarquer dans un petit instant. Et puis Aurore qui était passée nous voir aussi là pour Miss Belgique. Ça va? Ça va bien, il faut. Alors elle est passée évidemment avec un petit déjeuner. C'est genre pour frotter un peu la manche, quoi, tu vois, genre faire un petit peu la promo, tout ça. Mais je vous ai ramené un petit déj, hein, quand même. Hein. Mais ça va bien sur toi. Oui, ah bah sur toi, c'est n'importe quoi. Du moment que tu es une fille, ça marche. Ouais. Ne t'inquiète pas. Sur toi, n'importe qui, une fille, ça fonctionne. Hein. Peut arriver n'importe quoi. Y a pas de problème. Alors, et donc du coup, donc Miss Belgique, alors départ en Thaïlande, donc tu vas bientôt décéder, et ça c'est malheureux. Non, elle va bientôt se noyer, effectivement. Noyer, voilà, c'est ça, parce qu'elle part la semaine prochaine, c'est ça. Hein, oui. Semaine prochaine, mercredi prochain en Thaïlande, donc c'est bien. Hein. J'ai mon cousin qui est là-bas, il arrive pas à revenir, donc. Mais écoute, amuse-toi bien, et pas de problème. Il reste plus longtemps que prévu. Ah bah oui. C'est très bien, tu vois, toutes les plus belles filles de Belgique seront bloquées en Thaïlande, c'est bon pour nous, ça. C'est ça, donc il restera plus que les LED. Voilà, il y aura pas le choix pour vous, tiens. Il restera plus que nous. Il restera que les moches. Bon, bon, alors ça va ou... Tu dis toutes les plus belles seront là-bas. Ouais, bah il restera les jolies. Tu vas en Thaïlande, toi? Non. Ah bon, tiens. qu'est-ce que tu vas dire? Bon, donc pour voter pour toi, comment ça se passe? Alors en fait, ça se passe par SMS et il faut envoyer MB11 au 3250. D'accord, ok, donc on ne gagne rien. Non, on ne gagne rien. Juste pour voter pour Aurore. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. L'homme va voter, hein? Bah oui, bien sûr, hein, bah, si je peux après faire un petit tour avec la voiture quand elle aura gagné, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il vous offre quoi d'ailleurs comme voiture maintenant? Parce qu'à l'époque, j'avais fait un tour avec Julie Taton, bah, c'était quand elle avait été élue, donc c'était en. Il y a longtemps, hein. C'était en 2002, 84 probablement. Non, ouais, c'était en 2003, je crois, un truc comme ça. C'est toujours la Peugeot décapotable de chaque année, donc je suppose que c'est toujours la même que Julie Taton. Ah non, ça va être le nouveau modèle, j'espère. Parce que sinon, tu fais bien escroquer. Non, ça date quand de même, 84 hein. Aussi. Tu fais bien rouler, là. Tu fais le truc, il a 350 000 bornes. Bon, on se la passe de mi-cent mi-cent, hein, vous comprenez. Bon, bah là, forcément, on va plus passer sur RTL, donc on n'a plus trop les moyens. C'est donc, la crise. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est MB11 au 3250. D'accord, voilà. Donc si vous voulez voter pour Aurore, hein. Bon, c'est vrai que vous gagnez rien, mais à côté de ça, elle nous a apporté de pilège. Bon, moi je suis en régime, donc j'ai pas pu en manger, mais Toff a bouffé comme un gros porc, hein. Ah oui, donc, oui, donc lui, ça y est. Ah bah lui, c'est pas privé, c'est clair. Bon, 7h55 sur Fun Radio, on va s'écouter le son de Jason Derulo maintenant, c'est Hit Girl. Et puis on aura l'info de Julie juste après. Je vous rappellerai également la petite devinette qui colle et comment faire aussi pour vous faire rembourser vos factures dans un quart d'heure. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. 7h58 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde avec la réponse. Et à Mathieu qui dit c'est le bordel à Tilf apparemment. Et puis la réponse à la devinette qui colle. Dans un instant, on vous appelle chez vous en direct pour vous offrir peut-être votre écran plat ou votre pack Nintendo Wii. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, écoutez bien, je la répète. De justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un gourmet. Il est de glace à Versailles. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. Des indices éventuellement? On l'a tous dans la bouche? Oui, j'avais dit. On en a un, c'est impératif. Ouais, c'est impératif. Et parfois, on a le palais. Ah, ah. fois il gratte. Et donc du coup on est obligé de faire. Moi je me suis fait engueuler quand j'ai lâché la réponse. Tu viens de le faire, mais là personne ne réagit parce que je suis seule en fait dans le studio avec toi. Il y a juste Aurore qui devrait réagir, mais tu n'as même pas allumé son micro. Et pas Rose pour autant, surtout qu'il n'y a pas encore eu de réel débat politique selon les libéraux. Mais d'où viennent ces économies? Eh bien la hausse du budget des soins de santé sera limitée, 1,5 milliard. Les incitants fiscaux pour les entreprises, les fameux intérêts notionnels, seront réduits d'au moins 600 millions. Nouvelle taxe sur les centrales nucléaires et sur les banques, presque 1 milliard. Lutte contre la fraude et la réduction des dépenses des ministres, 1 milliard également. Pour les 6 milliards qui restent, il y aura un conclave budgétaire dès vendredi. Arrêt de travail ce matin à la station de métro Ribeaucourt à Molenbeek. Les agents protestent. Dimanche soir, deux agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station. Les agents avaient été appelés pour secourir un homme pris d'un malaise lors de l'intervention. Des jeunes les ont bousculés avant d'appeler des amis en renfort. Les membres du personnel de la STIB souhaitent utiliser des sprays anti-agression lors de leurs interventions, ce que la direction refuse. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois si la direction ne dégageait pas de moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. Un suspect du cambriolage de la bijouterie Erstens d'Alsenberg a été interpellé. Il s'agit de l'homme ayant été blessé au couteau par le bijoutier. L'individu a été interpellé vendredi dans un hôpital bruxellois où il se faisait soigner. Pour rappel, l'attaque de la bijouterie a eu lieu mercredi dernier. L'un des deux malfrats avait donc été blessé à la gorge par le bijoutier. Le deuxième cambrioleur est toujours en fuite. L'Italie menace d'être emportée par la crise de la dette avec une envolée de ses taux d'emprunt sur les marchés. L'Italie va faire l'objet d'un contrôle du FMI ainsi que de la Banque Centrale Européenne. De ce fait, ce pays ne sera pas loin du traitement réservé aux pays de la zone euro ayant été contraint de recourir à l'aide internationale comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal. La Grèce, quant à elle, progresse vers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et puis, le docteur Conrad Murray a été condamné coupable d'homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Le juge a ordonné son placement en détention. Il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Il est 8h01 sur Fun Radio, on va passer à la météo maintenant. Le temps sera morose, encore pas mal de nuages, cependant pas de parapluie à prévoir. Maxima entre 11 et 14 degrés, demain le soleil revient par l'ouest. Exactement, et quelle bonne nouvelle. 8h02 sur Fun Radio, dans un instant il y aura Laurent Wery avec Swift KD et Dev, ce sera Hey Hey Hey. Et puis on vous expliquera aussi comment faire pour vous faire rembourser vos factures, c'est dans 30 secondes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h02 sur Fun Radio et dans un instant, il y aura Laurent Wery avec Swift KD et donc Hey Hey Hey. Et l'explication maintenant pour vous faire rembourser vos factures. C'est simple, il suffit de nous envoyer un petit SMS au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Le concept est donc relativement facile. On vous tire au sort et si vous êtes tiré au sort, dans 5 minutes, on vous appelle en direct pour vous rembourser votre facture. Comme la 54,70€ pour BTV, 49,63€ pour Mobistar, 77€ pour deux armoires, 36,22€ pour l'eau, 89€ pour une tenue de ski Décathlon. C'est Val qui avait envoyé le message. 61€ pour Proximus, 38€ pour le contrôle technique de la voiture, 33€ pour quelques strings. Bah écoute, pourquoi pas, nous sur Florent Service. 56€ pour l'Electrabel. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 6322, code facture. Quelle est l'info en plus, Julie? L'info en plus parle de la meilleure bière du monde. En tout cas, elle avait été élue meilleure bière du monde en 2005 aux États-Unis. J'avais déjà fait un petit sondage autour de la table. Ça ne vous dit rien, la Westvleth Run, ça vous dit rien. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent exactement de quoi je parle, cette fameuse bière que l'on peut obtenir que très difficilement en fait. À la base, on ne peut aller la chercher qu'à l'abbaye où elle est fabriquée, chez les moines de Saint-Sixtus. Et on doit téléphoner le lundi entre 9h et 10h pour prendre rendez-vous pour aller la chercher. Et quand tu vas la chercher, tu peux ramener seulement un pack de 6. Oui, et c'est ça coûte 25€. Donc, ah, c'est donc déjà bien cher quand même. Hein. C'est déjà quelque chose de très difficile à obtenir. Oui. Et, si j'en parle maintenant, c'est qu'il y a quelques jours, ils avaient fait une... les moines avaient fait une offre spéciale pour récolter des fonds pour leur abbaye. Ils avaient vendu la bière exceptionnellement chez Colreuth le temps d'un week-end. Mais il fallait récupérer un bon, etc. pour prendre un pack. Et encore, tu pouvais prendre qu'un pack. Bref, en quelques heures à peine, 90, plus de 90 000 packs sont envolés, ont été achetés. Donc. Et maintenant, on se rend compte que les bières se retrouvent sur eBay. Au prix parfois de 250 euros. Bah oui. 250 euros, c'est quand même énorme. À la base, elle se vend déjà cher, 25 euros pour un pack de 6. C'est déjà pas énorme. C'est déjà pas mal. Et maintenant, carrément, on peut la retrouver à 250 euros sur eBay. Donc, je trouve ça quand même assez dingue, tout ça pour une bière. Quoi. Bah, si j'avais su, j'aurais fait pareil, hein, tu penses. Oui, te connaissant, bah, toi et l'argent. Bah, ouais. Ça n'a rien à voir. Mais bon, il y a un moment, il faut bien s'en faire. Quand on est vénal, c'est comme ça. T'aurais fait pareil, t'aurais pu remplacer ta porte là, sur ta vieille voiture depuis 6 mois. Oui, déjà, mais j'étais au courant de cette action. Bah ouais, tu m'aurais dit. Bon, et Laurent Wery, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Laurent Wery à l'instant sur Fun Radio avec Hey Hey Hey. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, c'est tous les matins sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h10. On vous appelle pour vous rembourser vos factures, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe sur Fun, avec tous les messages que vous envoyez au 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 33 euros pour des strings, 54,95€ pour Call of Duty, 135€ pour Luminus, 63€ pour Call of Duty. Ah, je pense que tu t'es fait escroquer parce que le mec d'avant, il l'a trouvé à 54,95€. Ça dépend où tu l'achètes. Hein. Je crois que tu t'es quand même fait gonfler de 8€ dans l'affaire. 60€ pour des cadeaux de Noël pour ma mère. Ah dis donc, tu t'y prends bien à l'avance toi, hein. 8 novembre ouais. Bah ouais, mais il faut anticiper si tu veux les avoir pas chers. En fait, c'est ça, si tu trouves une bonne affaire maintenant. Idéalement, si je puis donner un conseil, idéalement c'est les acheter au mois de janvier pour l'année d'après. Ouais, vous êtes tranquille. À ce moment-là, tu fais les soldes. Mais tu fais les soldes de juillet alors. Oh, mais ça dépend après ce que tu veux, si c'est disponible en juillet ou pas, faut voir. Sinon, tu fais les soldes de janvier et tu les offres un peu plus tard. Oui, c'est vrai, après il faut stocker. Bon, on y va, on appelle Lob. Ouais, on appelle pour une facture de 50 euros pour des faux. Enfin, une facture de 50 euros pour des faux. Tout va bien, pas de problème. Hein. Ouais, on appelle pour une facture. Mais oui, tout de suite en direct. Composer c'est ça, fois pour essayer de composer. Voilà. Et donc Tov va mettre sa photo avec Aurore, la présidente de Miss Belgique, donc sur Facebook. Hein. Mais évidemment. Quelle chance. Mais, écoute, faut bien que j'ai un petit peu de privilège, hein, après m'être pris la tête avec les mecs de la SNCB. Bah oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai, ça t'a pas de bleu. Non, ça va. Non, mais ils ont été gentils. Ils m'ont dit il faut plus faire ça. Allô. Bien, j'ai dit non. Allô. Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Je suis Fun Radio. Mais oui. Merci. Mais je t'en prie, comment tu t'appelles? Aurélie, bienvenue Aurélie. Oui. Tu es dans quelle ville et tu as quel âge Aurélie? J'ai 23 ans. Et tu es dans quelle ville? À Oubeil. D'accord, ok. Oui. Aurélie, tu avais une facture de 50 euros pour des photos, c'est ça? Oui, des photos de classe de ma fille. Ah, c'est des photos de classe, on est très déçus. Oui. J'avais déjà imaginé récupérer des photos en bikini. Et non. Non. Ah ouais, déception totale. Bon, enfin, c'est pas grave, on va te les rembourser quand même, Aurélie, y a pas de problème. Ah, c'est pas de soucis. Bon, Aurélie, bah, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça fonctionne, d'accord? D'accord, merci. Gros bisous, Aurélie, à bientôt. Et puis les autres, si vous voulez faire comme Aurélie, y a pas de problème, c'est facile. Hein. Suffit de vous inscrire au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on vous appellera peut-être à 9h10 pour vous rembourser vos factures. Sinon, bonne nouvelle, il y a Loïc qui dit qu'apparemment il a des bières là dont Julie parlait il y a 5 minutes. Il peut les vendre à 125 euros. Mais ça, c'est mal, ça. Bah non, c'était 250 sur eBay, c'est moins de 50% moins cher. Normalement, je vends à 25. Donc. Ah oui, bon, enfin bon, ça, c'est. Ah, mais ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Ah, vous pouvez aller chercher directement à l'abbaye hein, des moines. Le problème c'est que le jeudi entre 9h01 et 9h01 et 9h02. Non, forcément, ça rendez-vous. Ça pose un problème évidemment. Hein. Bon, 8h10 sur Fun Radio, bon réveil dans un instant, il y aura le son de Rihanna. Avec Calvin Harris, We Found Love, il y aura la réponse et la tunette qui colle également. Et l'horoscope de Doudou sur Fun. Mickaël à la radio. Reviens juste après ça. Fun Radio. Le son de Rihanna à l'instant sur Fun Radio, il y aura DJ Joss aussi avec Magic Cut et Mendy, ce sera I Want You dans quelques secondes aussi sur Fun Radio, il est 8h15, nous allons maintenant passer à... évidemment l'horoscope avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Doudou, vous faites dans les désemboutages? Ah mais oui, vous allez enfin me laisser libérer votre studio des mauvaises ondes. Non, c'est pas pour moi, c'est à l'auditeur là qui aurait besoin de vos services. Ah oui, bah pas de problème. Alors pour les esprits 200 euros, pour les mauvaises ondes c'est 300, pour les poupées c'est 500. Bon, vous allez pas nous faire tout le catalogue hein. Ah oui, mais faut que les gens ils sachent que je me déplace pas pour rien quand même. Bon, hein, on s'en doute bien, mais vous n'arrivez pas. Ah merde, je recommence. On se doute bien, effectivement, vous déplacez pas pour rien, mais enfin pour aller faire la sieste quand même. Hein. Bah oui, mais bon, attention hein, quand même. C'est-à-dire que moi, je viens là-bas, je me déplace. Ouais. Ah oui, dans le comptoir, c'est mis qu'il me faut un lit, hein, sinon ça ne va pas. Parce qu'il y a l'auditeur qui se plaignait de vous, là. Il a dit que vous étiez chiant et qu'il zappait que dès que c'était vous. D'accord, bah j'ai qu'il aille voir les horoscopes sur les autres radios, il va recommencer. Voilà. Bah, chiant aussi. Bon, les béliers. Alors, prenez aujourd'hui un peu vos distances concernant les affaires financières. Les taureaux. Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer les Saint-Bernard. Les gémeaux. Allez, point de l'air. Les cancers. Il est important d'éclaircir un malentendu avant que cela ne se transforme en problème. Les lions. Les lions, votre imagination vous aide une grande aide. Ce qui vous manque, c'est le goût du risque. Les vierges. Ne vous résignez pas, il y a parfois des hauts et parfois des bas. Eh oui, les balances. Vous avez une petite baisse aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Les scorpions. Il semble que quelqu'un vous veut du tort, et dans votre entourage en plus. Les sagittaires. Même s'il n'en paraît encore rien, vous allez essuyer dans les prochains jours une tempête positive. Les capricornes. Ne vous concentrez pas sur votre profession et sur votre réussite, mais plutôt concentrez-vous sur votre partenaire. Les Verseaux. Pour profiter de votre bonne humeur, vous devriez régler toutes vos tâches aujourd'hui. Et enfin, les Poissons. Profitez de cette journée pour prendre un peu vos distances et faire le point sur votre situation. Mais voilà, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Bah oui, malheureusement, bah oui. Je dois revenir encore. Eh bah oui, bah il va falloir revenir, effectivement. Tiens, il y a un petit message qui vient d'arriver au 3044. Installation d'un flash dans la zone 30, près de l'école des personnage à jambes, voilà. Et puis 53 minutes de bouchon pour Oudin, c'est Greg qui arrivera en retard au boulot. Oh, c'est pas grave, c'est pas pour une fois, on va pas chipoter. Hein. Et dans un instant, la réponse à la devinette qui colle, bah, on peut le faire maintenant. Tiens, qui est avec nous? Bonjour. Allô? Allô? Oui. Ah, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Julien. Salut Julien, ça va bien? Ça va. Bon, t'as la réponse à la devinette qui colle, toi. Donc, de justice, il abrite des hommes de loi. L'avoir faim, c'est être un gourmet. Il est de glace à Versailles. Le palais. Le palais, effectivement, bonne réponse. Eh ben, bravo à toi. Tu repars avec un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi? L'écran plat. L'écran plat. Eh tu as bien raison. Mais oui, tu as bien raison. On va te filer ça, il n'y a pas de problème. Je te renvoie chez Lobo Standard pour prendre tes coordonnées, d'accord? Ok, merci. Salut. À bientôt, toi aussi. Bye bye. Bon, et puis dans un instant, il y aura une nouvelle devinette qui colle pour repartir avec d'autres écrans plats ou d'autres packs Nintendo Wii. Et puis on va faire la petite déclaration express dans un instant également sur Fun. Le temps d'écouter DJ Joss maintenant, Magic Cut et Mendy, c'est I Want You sur Fun Radio. Bon réveil. Didier Jost à l'instant sur Fun Radio, il est 8h22, bon réveil tout le monde si vous venez de débarquer. Il y aura Mary J. Blige dans un instant avec Family Affair. Il y aura aussi l'info avec Julie qui arrive dans quelques instants. Et la nouvelle devinette qui colle, attention écoutez bien. Elles sont parfois décollées, les murs en sont parfois dotés. Oh, attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre. Tous les matins on doit le faire chez Julie, ça en devient pénible. Trop facile. Qui sont-elles? Papier peint. Pas du tout. Qui sont-elles? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message et il y a un écran plat pour vous. Un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Je répète, elles sont parfois décollées, les murs en sont parfois dotés. Attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre. Qui sont-elles? 6322, bonne chance. Et nous allons accueillir maintenant Déborah qui est avec nous pour la déclaration express. Bonjour Déborah. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, oui, très bien. Déborah, tu appelles d'où et tu as quel âge? De Namur, j'ai 24 ans. 24 ans de Namur, très bien. 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Et tu voulais qu'on fasse une petite déclaration à Benjamin. Alors, qui est Benjamin par rapport à toi? Un connard. Ah ouais, voilà, c'est un gros collant, il me saoule, franchement, il n'arrête pas de me coller depuis des mois, il veut sortir avec moi et moi je veux pas quoi. D'accord, ouais, bah forcément. Voilà, et donc tu lui as déjà dit que tu voulais pas mais il comprend pas. Voilà. D'accord, c'est un gros lourd. Et bah donc, déclaration express, on va donc l'appeler, c'est une déclaration pas de rupture parce que vous êtes pas ensemble, mais une déclaration de mise au point ou de point sur les i. Voilà. Bon, bah c'est parti, on y va, on appelle Benjamin maintenant. Et quand tu l'as au téléphone, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, l'autre il va plus se sentir. Il n'est pas disponible pour le moment. Bon, ben, c'est pas grave. C'est le répondeur, tu lui dis voilà, c'est Déborah, j'avais un truc à te dire, écoute. Raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Ouais, j'ai quelque chose à te dire, écoute. Allez, là, petite déclaration. Je ne sais pas. Oh, depuis combien d'années. Tu n'arrêtes pas de la mater jusque dans sa cave. Elle aimerait que t'arrêtes de la la saouler, à vouloir te la taper. Non, elle ne veut pas. Moi, j'aurais un petit conseil à te donner. Arrête les SMS et l'appeler. Si un jour tu peux te la taper, c'est pas en collant que ça va marcher. Oh, ouais, crois-moi, ou tu resteras à vie célibat. Bah, je pense qu'il va avoir compris là sur le coup. Hein. Voilà, c'est très clair. Voilà, je pense que c'est clair. Donc voilà, Benjamin, c'était Fun Radio. Donc c'était la déclaration express de Déborah. Malheureusement, pas celle que tu attendais, j'imagine. Mais je pense qu'à un moment, faut changer. Hein. Voilà, Déborah, je pense que tout est tourner dit. La page. Hein. Oui. Je pense que tout est dit. Grand je te... merci. Mais je t'en prie, si on peut rendre service, y a pas de problème. Et ben bah, gros bisous, Déborah. Merci, bonjour. Bonne journée. Ciao, nouvelles. Merci. Et si vous avez besoin aussi, vous, de faire une petite déclaration express, sans problème, vous nous envoyez un petit message au 3044 en mettant déclaration ou sur le mail de Love directement, loeb@funradio.be. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer. Et puis, on s'écoute le son de Mary J. Blige maintenant. C'est Family Affair sur Fun Radio. Il est 8h26. Bon réveil, tout le monde. Mary J. Blige sur Fun Radio avant d'arriver à l'info avec Julie dans quelques instants. On aura Julien Dorien également. On appellera encore des gens pour les emmerder tout à l'heure, évidemment, avec Toff. Et puis la petite devinette qui colle, là, je vous la rappelle encore une fois, pour gagner l'écran plat ou le pack Nintendo Wii. Elles sont parfois décollées, les murs en sont parfois dotés. Attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre, évidemment. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. On va s'écouter le son de Britney Spears dans un instant. Avec Criminal. Et restez là puisqu'il y a des places pour le Starfloor à gagner dans 5 minutes. Et à 8h30 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Politique, les négociateurs auraient trouvé la moitié de 11,3 milliards d'euros à trouver pour réduire la dette. Mais l'ambiance n'est pas rose pour autant, surtout qu'il n'y a pas encore eu de réel débat politique, selon les libéraux. Mais d'où viennent ces économies? La hausse du budget des soins de santé sera limitée, 1,5 milliard. Les incitants fiscaux pour les entreprises, les fameux intérêts notionnels, seront réduits d'au moins 600 millions. Nouvelle taxe sur les centrales nucléaires et sur les banques, presque 1 milliard. Lutte contre la fraude et réduction des dépenses des ministres, 1 milliard également. Pour les 6 milliards qui restent, il y aura un conclave budgétaire vendredi. Arrêt de travail ce matin à la station de métro Ribeaucourt à Molenbeek. Les agents protestent. Dimanche soir, deux agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station. Les agents avaient été appelés pour secourir un homme pris d'un malaise. Lors de l'intervention, des jeunes les ont bousculés. Les membres du personnel de la STIB souhaitent utiliser des sprays anti-agression lors de leurs interventions, ce que la direction refuse. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois si la direction ne dégage pas des moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. Un suspect du cambriolage de la bijouterie Erstens d'Alsenberg a été interpellé. Il s'agit de l'homme ayant été blessé au couteau par le bijoutier. L'individu a été interpellé vendredi dans un hôpital bruxellois où il se faisait soigner. Pour rappel, l'attaque de la bijouterie a eu lieu mercredi dernier. Le deuxième cambrioleur est toujours en fuite. L'Italie menace d'être emportée par la crise de la dette avec une envolée de ses taux d'emprunt sur les marchés. L'Italie va faire l'objet d'un contrôle du FMI ainsi que de la Banque Centrale Européenne. De ce fait, ce pays ne sera pas loin du traitement réservé aux pays de la zone euro et ont été contraints de recourir à l'aide internationale comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal. La Grèce, quant à elle, progresse vers la formation d'un gouvernement d'Union nationale. Et puis le docteur Conrad Murray a été jugé coupable d'homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Le juge a ordonné son placement en détention. Il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Et à 8h32 sur Fun Radio, on écoute Britney Spears dans un instant avec Criminal. Mais avant cela, évidemment, c'est l'heure de passer à la météo. Le temps sera morose parce qu'il y aura encore pas mal de nuages au-dessus de nos têtes. Heureusement, pas de pluie à prévoir. Maxima entre 11 et 14 degrés. Demain, le soleil revient par l'ouest. Eh bien, pas de problème. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Voilà, il n'y a pas de problème. Ben, merci à toi aussi d'ailleurs. On va passer maintenant à l'info en plus. L'info en plus un petit peu glauque, c'est un Russe en fait qui a été arrêté car il volait des cadavres dans les cimetières pour en faire des poupées. Arrêté. Mais quelle bonne idée. La semaine dernière, il a fabriqué des poupées avec 29 cadavres momifiés qu'il stockait chez lui. Donc en fait, il allait les voler au cimetière et puis il les ramenait à la maison chez lui dans sa petite maison et puis il fabriquait des petites poupées. Donc en fait, avec la tête, c'était une peluche ou une poupée et puis le reste, en fait, les mains, les pieds, c'était formé avec le reste du cadavre, parce que les poupées ont la taille donc humaine, et c'est un cadavre momifié avec une tête de poupée. Ouais, c'est sympa. Donc, écoute, quand tu as une occupation comme ça, tu t'ennuies un petit peu, tu te dis oh, je vais aller piquer des cadavres. Bah écoute, voilà. Donc, et puis je vais aller faire des poupées avec. Il a été arrêté à l'âge, donc il avait 45 ans, il a été arrêté après de nombreuses recherches de la police en fait, qui avaient remarqué que les cimetières étaient profanés. Et voilà, ils ont réussi à tomber sur cet homme qui est assez connu en fait dans le cercle des scientifiques. Il a quand même obtenu un doctorat sur la culture celtique et il est l'auteur de nombreux bouquins, mais je pense que le gars est un petit peu atteint du cerveau. Oui, je pense qu'il a un petit problème. Il est temps qu'il aille faire un petit tour en prison. On est d'accord là-dessus, effectivement. Bon, bah très bien, retour de l'info, ce sera tout à l'heure à 9h sur Fun Radio, avec dans quelques instants la ligne anti-relou, ce sera dans 10 minutes à peu près, et puis je vous annonce dès maintenant que vous pouvez repartir avec vos places pour l'événement Dancefloor de l'année, c'est le 26 novembre à Paris-Bercy, avec les plus grosses stars Dancefloor sur l'affiche évidemment, Florida, Ina qu'on a écouté tout à l'heure, Tayo Cruz, Jason Derulo, Nicole Scherzinger, le Colonel Rayel, Lucenzo, Alexandra Stan, Antoine Clamaran. Il y a même Pitbull qui sera là. Donc si vous voulez gagner vos places, eh bien on vous les file maintenant. C'est le samedi 26 novembre à Paris-Bercy, l'événement Dancefloor de l'année, Starfloor. Donc vous envoyez simplement un petit message au 6322. Pas de questions, ni rien, on va pas se prendre la tête. 6322, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde. 6322, débutez le message par Star avec vos coordonnées complètes. C'est 1 euro le message, bonne chance. Et on va s'écouter le son de Britney Spears maintenant avec Criminal sur Fun Radio, 8h35, bon réveil. Britney Spears sur Fun Radio, Criminal. Dans un instant, il y aura le son de David Guetta avec Saya, ce sera Titanium sur Fun Radio. Et comme chaque jour vers 9h-20, nous vous faisons écouter le meilleur moment de notre ami Julien Derien qui officie tous les soirs dans la tribu avec Evan entre 17h et 20h. Julien Derien est donc un reporter sans frontières, un reporter qui est toujours au taquet du taquet. La moindre information est bonne pour être sur place. Bien évidemment, pour ne rien rater de cette information, Julien Derien, tous les soirs dans la tribu entre 17h et 20h, ça s'est passé hier soir, écoutez. La police de la zone DAT a interpellé plusieurs personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. À la suite de cette opération policière, il y a plusieurs dealers de la région DAT et de Lessine qui ont été placés sous mandat d'arrêt. Alors Julien Derien, comme d'habitude, a enquêté, c'est notre journaliste d'investigation. Vous avez donc été voir ce qui se passait sur cette affaire, Julien. Oui, visiblement, ils sont 5 et cela fait quelques années qu'ils vendaient de la marijuana. Ce qui ne les empêche pas d'être des garçons très gentils et serviables. Je suppose. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être trop dur et leur laisser une seconde chance. Après tout, ce sont des enfants, faut pas les accabler. À vrai dire, Julien, le plus jeune, il a 22 ans. Hein. Oui, je sais. Moi qui pensais mettre ça sur le dos de l'insouciance. Oui, enfin, ils ont quand même tout de même vendu de la drogue à un mineur. Hein. Attendez, ça vous choque pas? Je vous dis que ces gens ont vendu de la drogue à un mineur et vous dites rien. Si, pardon, j'avais pas compris. Vous pouvez répéter? Ils ont vendu, Julien, de la drogue à des mineurs. Mon Dieu, mais c'est pas vrai! Oh, c'est une honte. Vous savez, Van, notre monde se perd. Ça va. Ne rajoutez pas trop non plus, Julien, faut pas exagérer. Hein. Oh, ça va, au moins le mineur, il cassera moins les couilles à sa mère. Mais dites-moi, Julien, j'ai comme l'impression que vous les connaissez, ces gens-là. Allô, ça capte mal. Julien, oui. Faites pas le coup du tunnel parce que je vous appelle sur une ligne fixe là. Ah pardon, oui. Non mais je les défends pas, c'était juste une bande de potes, quoi. Vous les avez rencontrés dans quelles circonstances, votre bande de potes? Un concert de reggae. Vous étiez client, Julien, hein, c'est ça? Moi, client? Vous êtes malade, je vous permets pas. Quelles graves insinuations vous faites là? Enfin, ceci dit, si quelqu'un a une bande de potes à me présenter, c'est avec plaisir, parce que disons que là, moi, j'ai vraiment besoin de potes, quoi. Ah, j'ai pas vu de potes depuis une semaine, je suis bien en galère. Ok, on a compris le truc. Allez, merci Julien. De rien. Eh oui, de rien. Retour de Julien de rien dès ce soir à partir de 17h dans la tribu avec Evan. Evan et toute la tribu, évidemment. Monsieur Boone qui est de retour. Hein. Monsieur Milan est en vacances. Il y a Noémie également. Et tout le monde. Et vous aussi, bien évidemment, car vous faites partie de l'émission, bien entendu. Des places pour le Starfloor, vous le savez. Vous pouvez vous inscrire. Et je vous répète la devinette qui colle. Je l'ai fait il y a un quart d'heure. Je le refais. Elles sont parfois décollées. Les murs en sont parfois dotés. Attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre, évidemment. Qui sont-elles? La bonne réponse, 63-22. Un indice éventuellement. Non. Pas d'indice, d'accord. Coton-tige. Oui, mais je trouve que la devinette, l'énigme donne tellement d'infos que je pense qu'on peut rien rajouter. Non, c'est vrai que pour le coup, l'énigme est relativement simple. La bonne réponse vous permet de repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Donc 63-22 avec la réponse. C'est un euro le message. Bonne chance d'avance. Dans un instant, c'est David Guetta qui arrive avec Saya. Ce sera Titanium. On ira faire un tour du côté de l'infotrafic également et la ligne anti-relou qui arrive juste après ça sur Fun Radio. Restez là. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h46. Bienvenue si vous venez d'arriver. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec dans un instant la ligne anti-relou. Mais avant cela, petit tour du côté de l'infotrafic. Bonne nouvelle concernant l'accident sur le 19 Valenciennes-Mons en direction de Bruxelles à hauteur de Houdin. La chaussée est libérée, ça recommence à rouler. Et puis camion en panne sur le 403 Bruges, Courtrai, Tournai à hauteur de Templouve. C'est la bande de droite qui est obstruée. La circulation est fortement ralentie au kilomètre 6. Et donc bon courage si vous êtes dans les bouchons. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, hein, des petits bouchons, on n'est pas forcément au courant de tout. Faites jouer la Fun Solidarité. Bon, nous on est à la radio donc on s'en fout un peu, mais bon, par rapport aux auditeurs qui eux risqueraient de tomber dans le même bouchon que vous, si vous envoyez votre message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors un petit mail mikael@funradio.be. Et je rajoute qu'il y a un accident sur le 411 Bruxelles-Namur Luxembourg à hauteur de Sterpenich. Une équipe est en route, 7 km de file déjà à cet endroit-là. Bah bon courage alors, hein. 8h47, on va se faire maintenant la ligne anti-relou comme chaque matin, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La nuit anti-relou sur Fun Radio chaque matin avec vos messages évidemment qui arrivent live and direct, et le numéro à retenir par cœur bien sûr de la ligne anti-relou, 0 473 86 00 13. Concept est relativement simple, hein, il faut retenir ce numéro, donc ça c'est la première chose. Et puis quand quelqu'un vient vous prendre la tête, un relou en règle générale, surtout vous les filles évidemment, vous pouvez lui dire bah écoute là j'ai pas le temps, mais tiens je te donne mon numéro, rappelle-moi. Sauf que du coup quand il va rappeler, bah, il va tomber chez nous, hein, tout simplement. Et lui il va croire qu'il a fait la bonne affaire du siècle. Il va croire qu'il a réussi à avoir votre numéro de téléphone d'une manière tellement simple qu'il va plus vous prendre la tête, en tout cas pendant un petit moment. C'est déjà pas mal. Rassurez-vous, vous pouvez aussi donner ce numéro de téléphone, je sais pas moi, à un des représentants, à un mec qui vous prend la tête, à votre prof, à votre collègue, à votre patron, peu importe. Donnez le numéro de téléphone à tous les relous que vous croisez, tout simplement, peu importe le métier qu'ils font. D'ailleurs on écoute maintenant le premier message de ce matin. Oui, Marie, oui, je suis sorti de la discothèque parce que tu m'as dit que tu allais chercher un verre pour boire et mon verre aussi. Et puis voilà, je t'attends, moi. Et je t'ai plus revu. Bon, je t'attends dans la discothèque, hein, pour faire les toilettes, ça va? Mais non, t'inquiète pas, je vais te rien te faire. Allez, viens! Eh ben voilà, donc un bon relou lui aussi. Hein. Déjà, il va attendre dans la discothèque tout près des toilettes. Donc, tu vois, si tu veux, déjà, c'est le truc qui est un petit peu. Qui est bien, bien love. Ouais, mais c'est l'endroit le plus facile à trouver en même temps. C'est vrai, mais enfin, c'est quand même bien romantique. Deuxième message. C'est Christian, ma chérie. C'est parce que. Comme tu m'as envoyé ta photo, voilà. Sur mon GSM. Allez, un gros bisou, je t'aime. Mais oui, gros bisou, je t'aime. Cette voix est tellement sexy. Mais oui, tellement sexy. Elle t'a excité, hein, Julie. Ah, ouais, ouais, je me sens plus, là. Grave, grave. Et enfin, dernier message. Non, c'est moi, un pseudo. C'est moi, c'est Christian, ma chérie. Encore. C'est Je t'aime, je t'aime, allez, s'il te plaît. Allez, je t'aime. Je t'aime. Bon, ben voilà la vie anti-relou. N'hésitez pas, donc 0473 86 0013. Retenez ce numéro par cœur pour le donner à tous les relous que vous allez pouvoir croiser dans un instant. On va faire chier le monde avec Toff comme d'habitude. Mais oui. Mais oui. Et à 8h49, c'est David Guetta qu'on écoute. David Guetta avec Saya, c'est Titanium sur Fun Radio. Bon réveil. David Guetta à l'instant sur Fun avec Saya, c'était Titanium. Bienvenue tout le monde si vous venez de débarquer. C'est Mickaël à la radio, on est là tous les matins sur Fun évidemment jusqu'à 9h30. Alors nous allons faire chier le monde, Toff, là encore une fois. Bah oui, évidemment. Bon, alors on avait appelé tout à l'heure là parce que en fait c'est l'Aïd, donc tu sais, trouver des moutons, c'est ça? En fait ouais, j'ai pas bien compris quand c'était l'Aïd, mais par contre j'ai compris une chose, c'est qu'ils avaient pas assez de moutons pour la faire. Oui, voilà, c'est ça, que exactement. C'est le concept, c'est la fête du mouton, tout ça, blablabla. Bien évidemment, bien évidemment. Donc du coup je me suis dit, je vais aider tous nos amis musulmans à trouver du mouton et à pouvoir faire l'Aïd dignement ce soir ou hier ou demain, enfin je sais rien, mais à le faire. À le faire, voilà, c'est et ça. Donc c'est pour ça qu'on va appeler des gens qui ont du mouton. Exactement. Allez, c'est parti, on avait été à Arscott tout à l'heure, on va à Metz-20 maintenant. Allez, allons à Metz-20. Allez, c'est parti. À ne pas confondre avec Messin. Bien évidemment. Mais il y a que toi qui confonds. Puis on aura Bruno Mars juste après. Marry you. Allô. Allô, bijoune, monsieur. Oui. Oui, bijoune, voilà, j'appelle, c'est pour savoir si vous auriez le mouton. Je l'ai, monsieur, je l'ai. Vous l'avez? Vous l'avez? Oui. Pas de problème. Si possible, de l'avoir pour ce soir, parce que forcément, comme c'est l'Aïd, il faut que j'en ai besoin tout de suite. Non, non, c'est pas un problème. Bon, d'accord. Si combien le mouton retourné? Ici, on en a plus de stock. Vous me dites, vous en avez ou vous en avez plus? Non, j'en ai plus. Ah, vous en avez plus? Non. Bah, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en pâture. Bah, si sont en pâture, vous pouvez aller le chercher. Non, non, il n'y en a plus pour l'instant. Mais alors, comment je vais faire, moi, monsieur? Ah, ça, je ne sais pas, c'est... Bah oui, mais au début, je vous appelle, je vous demande si vous faites les moutons, vous me dites oui. Oui. Et là, vous me dites non. Non, non, non, non, non, non, j'ai pas de moutons, moi. Bah, vous avez les moutons retournés, quand même. Ah oui, ça c'est différent. Ah, vous voyez, vous avez les moutons. Oui. Bah alors, je peux y avoir les moutons pour ce soir, pour qu'on puisse les manger. Oui, carrément, mais la peau, alors, hein. Ah oui, la peau. La peau, c'est un peu comme la peau de burne, là. C'est le même, c'est la même chose. Ah oui, c'est le mouton retourné, c'est un plaisir à manger. Voilà. D'accord. Oui, bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour faire la fête. Après, on ira manger au quick. Oui, exactement. D'accord. Bah, si c'est possible de faire comme ça, alors vous me gardez les moutons, et puis c'est combien les moutons? Problème, mais quand vous venez, ça va? D'accord. Pas de problème. Vous voulez pas dire les prix par téléphone? Voilà, jamais. Ah oui, d'accord. C'est à la tête du client quand on s'arrange sur place. C'est plus facile. Oui, je comprends. Je comprends. Moi aussi, je fais le commerce. Ah. Bon, ça marche. Mais écoutez, à tout de suite. Alors, j'arrive pour prendre les moutons. Hein. D'accord, pas de problème. Voilà, j'arrive. Oui, monsieur. Bon, elle va très bien. Ça va, c'est bon, t'as trouvé ton mouton. Ben voilà. On va pouvoir manger ce soir, on va pouvoir faire la fête. Eh oui, quelle bonne nouvelle. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui débarque sur Fun Radio. Il y a 8h56, on écoute Bruno Mars maintenant. C'est Marry You. Bon réveil tout le monde. Bruno Mars sur Fun Radio à l'instant, c'était Marry You. Il est 8h59. Bon réveil tout le monde. Il y aura Jim Classy Rose dans un instant. Je vous rappelle la devinette qui colle également. Elles sont parfois décollées. Les murs en sont parfois dotés. Attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre. C'est vrai qu'en général, on tire dessus, hein, quand on est petit et qu'on fait de conneries. Il y avait un auditeur qui disait oui, bah, les éléphants en ont de grandes. Oui, entre autres, effectivement, c'est vrai. On peut leur accrocher des boucles. On peut effectivement leur mettre des boucles. C'est vrai, les petits piercings. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. C'est 1€ le message. Il y a des écrans plats ou des packs Nintendo Wii qui sont à la clé. Donc ne bougez pas, l'info de Julie arrive. Et comme je le disais, Jim Classy Rose. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ça. Avec la voix de Adam Levine, Stereo Earth sur Fun Radio. 9h pile sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Politique, les négociateurs auraient déjà trouvé la moitié des 11,3 milliards d'euros à trouver pour réduire la dette. Mais l'ambiance n'est pas rose pour autant, surtout qu'il n'y a pas encore eu de réel débat politique, selon les libéraux. Mais d'où viennent ces économies? Eh bien, la hausse du budget des soins de santé sera limitée, 1,5 milliard. Les incitants fiscaux pour les entreprises, les fameux intérêts notionnels, seront réduits d'au moins 600 millions. Nouvelle taxe sur les centrales centrales nucléaires et sur les banques, presque 1 milliard. Lutte contre la fraude et la réduction des dépenses des ministres, 1 milliard également. Pour les 6 milliards qui restent, il y aura un conclave budgétaire vendredi. Brussels Airlines va supprimer des vols européens cet hiver pour réaliser des économies. Conséquence de ces mesures, une cinquantaine de contrats à durée déterminée de pilotes ont pris fin en date du 31 octobre. Pour rappel, la compagnie aérienne belge va clôturer l'année 2011 sur une perte record de plus de 70 millions d'euros. Arrêt de travail ce matin à la station de métro Ribeaucourt à Molenbeek. Les agents protestent. Dimanche soir, deux agents de la STIB ont été violemment pris à partie par de nombreux agresseurs dans la station. Les syndicats pourraient mener d'autres actions dans les transports en commun bruxellois si la direction ne dégage pas de moyens supplémentaires pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. Un suspect du cambriolage de la bijouterie Erstens d'Alsenberg a été interpellé. Il s'agit de l'homme ayant été blessé au couteau par le bijoutier mercredi dernier. L'individu a été interpellé vendredi dans un hôpital bruxellois où il se faisait soigner. Le deuxième cambrioleur est toujours en fuite. L'Italie menace d'être emportée par la crise de la dette avec une envolée de ses taux d'emprunt sur les marchés. L'Italie va faire l'objet d'un contrôle du FMI ainsi que de la Banque Centrale Européenne. La Grèce, quant à elle, progresse vers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et puis, le docteur Conrad Murray a été jugé coupable d'homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson. Le juge a ordonné son placement en détention. Il risque 4 ans de prison et pourrait être radié de l'ordre des médecins. Sa peine lui sera signifiée lors d'une audience le 29 novembre. Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 d'une grave intoxication au propofol, un puissant sédatif qu'il utilisait comme somnifère avec la complicité du docteur Murray. Il est 9h03 sur Fun Radio. Il y a Jim Classy Rose dans un instant avec Adam Levine qui arrive. Ce sera Stereo Earth. Mais avant ça, on passe à la météo. Le temps sera morose, encore pas mal de nuages au-dessus de nos têtes. Cependant, le parapluie ne sera pas nécessaire. Maxima entre 11 et 14 degrés. Demain, le soleil revient par l'ouest. Très bien, ça c'est la bonne nouvelle. Et dans 30 secondes, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser votre facture pour la dernière fois ce matin. Ça arrive juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio, Jim Classy Rose dans un instant. Et comment faire pour vous faire rembourser vos factures? Eh bien, c'est simple, il suffit de nous envoyer un petit message au 6322 maintenant, par exemple, avec le code facture. Donc, vous débutez votre message par facture, puis vous mettez un espace, le montant de la facture, et ensuite encore un espace avec l'objet de la facture. Et on vous appellera peut-être dans quelques minutes, dans 5 minutes pour être précis, pour vous rembourser votre facture. Comme là, par exemple, 117€ pour un abonnement de la tech, 100€ pour la taxe télé, qu'est-ce qu'il y a également? 77€ pour deux petites armoires. Il y a également 5 310€ pour les travaux plafonneurs. Oui, je pense pas que ça passe ça pour le coup. 184€ pour une taxe voiture. Bref, si vous voulez vous faire rembourser votre facture et que vous êtes tiré au sort, 6322 code facture. Avant d'écouter Jim Classy Rose, c'est l'info en plus. L'info en plus qui parle de bière ce matin. Bon, vous les garçons, vous ne vous y connaissez pas vraiment en non. bière. Bah non, mais je suis pas fan de bière. Beaucoup d'auditeurs, la West Vleteren, ils savent ce que c'est. La West Vleteren. Toi aussi, tu savais ce que c'est. Non, moi, on me l'avait expliqué. Mais j'ai quelques semaines, on m'avait expliqué parce qu'on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Donc, je vous explique. La West Vleteren a été élue meilleure bière du monde en 2005. Aux États-Unis, ça c'est déjà vieux. Mais la particularité de cette bière, c'est qu'elle ne se vend que chez les moines qui la fabriquent. Et il faut prendre rendez-vous lundi matin, etc., entre 9h et 10h pour pouvoir aller chercher sa bière. On peut en acheter qu'un pack de 6 seulement, qui coûte quand même 25€. C'est quand même assez cher. Et les moines avaient fait une action spéciale. Pendant un week-end, ils avaient permis à ce que la bière soit vendue dans les Colruyth. Et encore, c'était compliqué. Il fallait chercher un bon dans un magazine, etc. Bref, pendant un week-end, plus de 96 000 packs ont été vendus en très très peu de temps. Donc 25€ pour un pack de 6. Et bien maintenant, on retrouve ces fameuses bières sur eBay. Mais oui, et elles normal. Se vendent à 250€. Donc voilà, comme quoi une bière peut prendre comme ça des proportions dingues. Et donc cette West Vleteren se vend à 250€ sur eBay. J'aurais fait la même chose. Hein. Oui, ça j'imagine, te connaissant, toi. Et ton amour pour l'argent. Non mais c'est pas ça, mais bon, s'il y a moyen de se faire de l'argent, c'est quand même con de pas le faire. Bah écoute, c'est pas très très honnête, je trouve. Bah honnête, c'est que ça s'appelle du bénéfice. Bah, quand tu vas chercher ton pain, tu crois qu'il te le vend le prix que ça lui a coûté. Non, il fait du bénéfice, comme tout le monde. Ouais, bah écoute. Bah voilà, c'est normal. C'est une façon de voir les choses. C'est vrai. 9h06 sur Fun Radio, le remboursement de vos factures, c'est dans quelques instants. 6322 code facture, bonne chance. Et on écoute Jim Classy Rose maintenant, comme promis, c'est Stereo Earth. Jim Classy Rose sur Fun Radio, c'était Stereo Earth. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Effectivement, c'est à 7h10, 8h10 et 9h10 que ça se passe tous les matins sur Fun Radio. On vous appelle en direct pour vous offrir le remboursement de vos factures en toute simplicité. Pour ce faire, c'est facile, comme je le dis chaque fois, il suffit de nous envoyer un petit message au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est 1€ le message et on va appeler maintenant quelqu'un pour lui rembourser sa facture. C'est parti, on y va. Et c'est 33€ a priori. Très string. Voilà, c'est parfait. On y va, on appelle. Ça sonne, c'est magnifique. Encore faut-il que ça décroche, bien sûr, et il faut répondre à la question que je vais poser. Qui paye les factures le matin? Allô? Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Manu. Bon, allez, ça va. Ça va. Non, mais je peux concevoir. C'est vrai qu'il est officier sur Fun pendant 3 ans. Si on dit encore Manu, c'est pas grave, c'est pardonné. Non, c'est une blague. Franchement, je kiffe une tête. Comment tu t'appelles? Allô? Oui, comment tu t'appelles? Mélanie, tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, Mélanie. T'as quel âge et t'es dans quelle ville? Je suis à Louvière, très bien. Bon, Mélanie, tu voulais qu'on te rembourse quelques strings, c'est ça? J'entends mal. Oui, nous aussi. Tu voulais qu'on te rembourse quelques strings, c'est ça? Pardon? Oui, on va lui rembourser ses strings. On va la reprendre en antenne. Hein. Love va la reprendre directement parce que là, elle avait un téléphone bien pour Rav, hein, pour le coup. Elle aurait mieux fait de nous rendre une facture de GSM, tiens. Ah pour oui, lui payer un nouveau téléphone. Ouais, c'est sûr. Ça aurait pu mieux servir, tiens, pour le coup. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Si vous voulez, vous aussi vous faire rembourser votre facture, n'hésitez pas, 6322, code facture, vous pouvez vous inscrire tout au long de la journée. On remet le couvert dès demain à partir de 6h du mat sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter le son de Kate de Luna maintenant avec Fatman Scoop, c'est Drop It Low. Bon réveil tout le monde sur Fun Radio. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Le son de Kate de Luna à l'instant sur Fun Radio avec Fatman Scoop, c'était Drop It Low. Et nous allons maintenant offrir peut-être un écran plat ou un pack Nintendo Wii avec quelqu'un. C'est Laetitia qui est là pour la devinette qui colle. Salut Laetitia. Bonjour. Comment ça va Laetitia? Salut. Allô. Allô Laetitia, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà, je disais, comment vas-tu Laetitia? Ça va. Eh ben, très bien. Bah oui, au boulot, j'imagine. Hein. Bon, Laetitia, en même temps, le boulot est plutôt cool. Hein, si t'arrives quand même à jouer avec nous, c'est que ça va. Oui. Ça va. Bon, tu as la réponse à la devinette qui colle. Elles sont parfois décollées, les murs en sont parfois dotés. Attention à ne pas vous les faire tirer en cas de rappel à l'ordre. Qui sont-elles? C'est les oreilles. Eh oui, les oreilles, effectivement. Eh oui, bonne réponse. Bravo. Allô? Oui, Laetitia. Allô, oui, tu as gagné. Ben oui, je sais, personne nous entend dans ce standard tout pourri. Allô. Donc Laetitia, tu vas repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Tu vas gérer ça avec Lob immédiatement au standard sans aucun problème. Il y a encore des places pour le Star Floor aussi à gagner au 6322 code STAR avec vos coordonnées complètes. Le Star Floor, c'est l'événement Dance Floor de l'année qui aura lieu à Paris-Bercy avec toutes les plus grosses stars que vous pouvez entendre sur Fun Radio tout simplement. Et puis nous allons faire l'horoscope maintenant, le dernier de la journée avec Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, l'horoscope avec l'ami Doudou justement qui est avec nous là. Bon, qu'est-ce qui vous arrive encore Doudou là? Ah ouais, je voulais savoir si je pouvais vous raconter une petite blague qu'on m'a racontée. Non, je sais pas si c'est une bonne idée Doudou. Ah mais si vous allez voir, elle est pas faite. Bon, allez. Bon, vite fait alors. Alors, c'est deux clitoris qui sont... Je le savais. On peut pas vous faire confiance. C'est une émission de pervers. C'est pas une émission de pervers ici. Hein. Le lapsus, tu as failli dire que c'était une émission de pervers. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas. Hein. Je suis un petit peu entouré de pervers. Ouais, hein, c'est ça. Et donc, qui est la perverse ici hein. Oui, bah, alors, moi, je peux pas vous laisser dire ça. Hein. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, non, bon. C'est tout à fait faux. Bon, allez, les béliers. Alors, prenez aujourd'hui un peu vos distances concernant les affaires financières. Les taureaux. Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer les Saint-Bernard. Les Gémeaux. Allez prendre l'air aujourd'hui. Très bien. Les cancers. Il est important d'éclaircir un malentendu avant que cela ne se transforme en problème. Les lions. Je ne sais plus. Ah si, voilà. Votre imagination vous aide une grande aide. Ce qui vous manque, c'est le goût du risque. Les vierges. Ne vous résignez pas, il y a parfois des hauts et parfois des bas. Eh oui, les balances. Vous avez une petite baisse aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Les scorpions. Il semble que quelqu'un vous veut du tort, et le pire, c'est qu'il est dans votre entourage. Les sagittaires. Même s'il n'en paraît encore rien, vous allez essuyer dans les prochains jours une tempête positive. Les capricornes. Ne vous concentrez pas sur votre profession et votre réussite, mais concentrez-vous sur votre partenaire. Les Verseaux. Pour profiter de votre bonne humeur, vous devriez régler toutes vos tâches aujourd'hui. Et pour finir, les poissons, profitez de cette journée pour prendre un peu de distance et faire le point sur votre situation. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve demain. Mais oui, avec plaisir. Eh ben c'est parfait, la bonne journée Doudou. D'accord, oui. Dans un instant, l'amour est dans le pré, on en parle. Le temps d'écouter Florida, c'est Good Feeling sur Fun. Florida sur Fun Radio avec Good Feeling. Florida qui sera d'ailleurs le 26 novembre à Paris-Bercy pour le plus grand événement dance floor de l'année. C'est le Star Floor évidemment. Il y aura Ina également qui sera à ses côtés. Tayo Cruz, Jason Derulo, il y aura Nicole Scherzinger, le Colonel Rayel, Lucenzo également, Alexandra Stan, Antoine Clamaran, Pitbull, bref et plein d'autres. Toutes les infos, vous pouvez les retrouver évidemment en allant surfer sur funradio.be et puis on vous file vos places. Et oui, c'est ça qui est bien. Toute la journée sur Fun Radio. Prochain rencard avec Lucas évidemment ce matin avant 13h dans le self. Et là nous allons prendre quelqu'un maintenant à qui on va offrir ces deux places également. Bonjour, comment il s'appelle? Alors c'est Sabrina, 33 ans de Mons. Sabrina de Mons, comment ça va Sabrina? Ça va super, parce qu'il y a 15 jours j'ai raté votre appel pour l'écran en plat. Et là voilà, parce que j'ai quelque chose. Ah, tu participes depuis 15 jours pour gagner les grands plats. D'accord, ok, très bien. J'ai participé depuis très longtemps pour gagner les grands plats. Je l'ai gagné à 2h12. Je ne comprends rien. Tu hurles dans ton téléphone, ouais, Sabrina. Moi, j'ai vaguement compris qu'on a apparemment, elle a loupé un de nos appels il y a 15 jours. Ouais, et donc, elle est dégoûtée. D'accord. Donc, voilà. Parce que tu as la chance à tourner. Tu as le kit main libre, Sabrina, c'est ça? Non, mais je suis au boulot, je travaille dans une vraie pâtisserie, il y a beaucoup de bruit. Ah non, mais il n'y a pas de bruit, c'est juste que tu as un téléphone tout pourri. C'est pas grave. Bon, Sabrina, tu t'es inscrite avec le code STAR pour repartir avec les places pour aller au Star Floor. Donc, rendez-vous là-bas, on se verra là-bas le 26 novembre, donc à Paris-Bercy, Florida, Ina, Tayo Cruz, Pitbull, Antoine Clamaran et tous les autres qui seront sur place pour le plus grand événement dance floor de la fin de l'année. Voilà, Sabrina. Merci. Mais je t'en prie, avec grand plaisir et gros bisous à toi. Gros bisous, bonne journée, salut. Salut, ciao à toi Sabrina. Et ben voilà, donc rendez-vous toute la journée sur Fun Radio pour repartir avec vos places pour le Star Floor. Et puis attention, parce que là Sabrina vient de jouer, c'est vrai que j'ai oublié de lui dire, mais elle m'entend certainement encore, c'est que lundi, entre 6h et 9h30, je rappellerai quelqu'un qui a gagné. Mmh. À qui j'annoncerai qu'il ira tout frais payer et qu'en plus de ça, il pourra rencontrer Jason Derulo dans sa loge. Mais attends, mais c'est énorme. Petit rencard avec Jason Derulo directement. Peut-être tu en parles comme ça entre deux portes. C'est vrai. Oui, vite fait. Jason Derulo. Je t'ai pas dit, voilà, ça va être tout payé, tout frais payé, puis Jason et en Derulo. Prime, et en prime, il y aura aussi un rendez-vous, évidemment. Vous pourrez me rencontrer en live sur place. Donc ça, on sait que c'est le plus gros cadeau de la soirée, évidemment. Star Floor, ça sert à rien. À une projection privée du premier film porno de Julie. Exactement, ce qu'on est en train de chercher sur internet des films. Il essaie de trouver des trucs sur moi, donc il tape mon nom de famille et mon prénom et il pense trouver des trucs, mais il ne trouve rien. Donc il invente évidemment. Ça va venir peut-être en cherchant un peu. Écoute, je suis désolée, il n'y a rien. Bah en cherchant, on verra bien. Chercher seulement, chercher. Bon voilà, donc en tout cas. Tomber sur Asian Porn, je ne sais plus quoi. C'est vrai, mais ce n'est pas moi, malheureusement. Bon, en tout cas, on aura encore des places pour le Star Floor à vous offrir toute la journée sur Fun Radio. Et puis je vous en avais parlé. On va parler de l'amour est dans le pré. Eh ben oui, puisque hier soir encore, on a eu droit à du foin, des vaches et des larmes sur RTL TVI. Quel bon résumé de l'amour est dans le pré que tu viens de faire. Oui, c'est vrai, je trouve aussi. Je pense qu'il est bon de rappeler le principe de l'émission parce que tout le monde n'a pas l'air d'avoir compris le principe, justement. Alors, mon genre d'homme, grand, sportif, les cheveux marrons, les yeux foncés, plutôt employé de bureau. Et oui, plutôt employé de bureau. Hein. Donc, alors, comment lui expliquer qu'en fait, qu'il est entouré de fermiers? C'est ça, je pense qu'il n'est pas dans la bonne émission, à mon avis. Quelqu'un lui dise quand même. Hein. Oui, je pense qu'à un moment, il va falloir lui dire, effectivement. Mais lui a dit parce qu'elle s'est fait virer, d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas elle. Mais non, elle est toujours là. Si, c'est elle. Ah non, c'est vrai, c'est l'autre qui a été virée. Tu vois, tu confonds. Mais non, c'est la Renoir qui a été virée. C'est Pierrette. Ah ouais, non, c'est vrai. Bon, maintenant, on va faire un petit jeu. Il faut deviner ce qu'ils font. Écoutez bien. Tout ça, il faut enlever, hein, c'est pas très bon hein, quand tu l'as dans la bouche. Je sais, mais bon, je passe derrière toi. Alors, à votre avis, de quoi il parle? Alors là, je ne suis pas sûre qu'on puisse en parler à la radio comme ça. Oui, mon Dieu, mais quel esprit mal tourné. Non, heureusement, Julie Taton est là pour nous donner la bonne réponse. Atelier cuisine pour Christophe, qui prépare le barbecue du soir avec Jenny et Anne-Michel. Non, mais c'est vrai. Oh là, c'est trop génial. On est sur RTL, là, vous vous attendiez à quoi là? Un bon pelage de jonc. Ouais. Bon, en tout cas, si on ne parle pas de cul sur RTL TVI, on parle pas super bien français non plus. Hein. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Eh oui. Voilà, remercions. bon. On va également te remercier d'avoir venu et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Alors il y a pas de problème. Hein. Bon, bah, nous aussi on va se quitter ici maintenant d'ailleurs hein, avec Lucas qui arrive dans un petit instant pour. Merci d'avoir venu en tout cas, Mickaël, ce matin. Mais merci écoute, à toi aussi, Tof, d'avoir avec plaisir. Venu. Aussi. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Il y a pas de problème, avec plaisir. Merci en tout cas à vous d'avoir été là ce matin sur Fun Radio jusqu'à 9h30. Et puis on se retrouve demain à partir de 6h. Je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous tout le monde. Bonne journée à Julie. Bonne journée, Mickaël. Et oui, Julie qui passe sa journée avec des stars, avec Maureen aujourd'hui. Ah oui, je vais voir Maureen d'or. Maureen d'or, et oui, elle est people, notre ah Julie. Ah oui, que veux-tu. Grave. Ça n'arrête pas, moi. Voilà, j'ai une vie. La bonne journée à Tof et Lob également. Et puis donc, Rancard. Nous, par demain. Contre, on a rendez-vous avec personne. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est comme ça. Des films, bon. Rancard demain dès 6h sur Fun Radio. Ciao à vous. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir venu. Ils vous manquent déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.